bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Donc, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'apéro original. En plus, c'est l'heure de l'apéro. Ouais, c'est ça. J'avais fait une super intro, mais le technicien chargé d'enregistrer. Notre ingé song. L'ingé song a fait une gestion. Oh putain, c'est ça. C'est parti. Donc, du coup, on est reparti pour une nouvelle session d'enregistrement sous le signe de l'alcool, du gras, du diabète et du cholestérol. Et de la chips. Et des invités. Et du fromage. Et du fromage. Podcast oblige. Podcast oblige. On a, pour cette session d'enregistrement, ils ont répondu à mon invitation de venir. Donc, merci à vous. Donc, bien heureux d'être ici. Merci de nous avoir invités. Ouais. C'est un plaisir. Du coup, il y a Benjir et Roule avec Tocheux. Bah, Tocheux. Tocheux, voilà. Tocheux. T'emmerdes pas. Hein. T'emmerdes pas. Fais court. Ça, il sait pas faire. Titre. On m'a demandé une fois, j'ai pas su. Donc, déjà, on sent aussi la différence de ton entre quoi qui se passe et l'apéro original. D'un coup, c'est. Ah, bah là, forcément, on change de catégorie. Il y a du gras sur la table et pas que. Voilà. Là, on rentre dans notre domaine de compétences. Et il y a des chips. Chips. C'est tout ce que ça fait quand on dit qu'on va manger des chips. Donc du coup, un petit tour de présentation, donc on va commencer par les invités oblige. Donc cette fois, je vais commencer par Benjir, hein, oui. Parce que tout à l'heure, c'était quoi qui se passe, on a terminé par toi, donc du coup, présente-toi un petit peu. Voilà, moi je suis rural normal, donc je suis normal, j'habite à la campagne, et je fais un podcast qui s'appelle La Diagonale du Vide, depuis ma campagne. C'est pas très loin d'ici, là où j'habite. Ouais, non. De toute façon, la campagne, c'est un petit peu partout. Dès que tu sors de Paris, c'est la campagne. Et donc, du coup, Tocheux de Tocheux de Roule avec moi. Un podcast format court, 20-25 minutes. Le matin, je prends ma voiture, je prends mon téléphone, j'ai une idée, je l'enregistre. Je la passe. Celui qui veut écouter, qui veut partager, qui veut discuter, il le fait. Celui qui veut pas, il passe son chemin, il me casse pas les couilles. Voilà, c'est dit. C'est le credo depuis le début. Ce sera le credo jusqu'à la fin. Et la fin, je la connais pas. Voilà. Donc du coup, le tour de présentation sera juste pour celui-là. Les autres, on Je peux la faire autant de fois que tu veux. Je peux même te faire des variantes. Alors du coup, Tocheux, une présentation. Ben, Roule avec Tocheux, c'est un podcast mécanique. Sur la voiture. Sur la voiture. Donc, au programme de ce numéro 8.1, toujours un quiz, un débat, une arnaque de Monsieur Gandalf, et musique de fin. Une petite introduction avec du ça va ou blond, c'est bien ou blond. C'est bien ou blond, je sais jamais lequel. C'est bien ou blond. C'est bien ou blond. Les petits rappels d'usage, donc on est diffusé normalement sur Pod Radio. J'ai pas revérifié. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vérifié. Si, la dernière fois on avait changé de canal, on était plus sur le même canal que d'habitude. Mais voilà, normalement on est diffusé. Autre rappel, donc les 3 et 4 juin 2017, il y a la nouvelle édition de Pod Rennes qui se trouve à Rennes, 8 allées Léon Lebert à Rennes. À Rennes. toutes les informations sur podren.fr. Il y a un covoiturage qui est mis en place. On a comme invité Françoise Cadol, donc la voix de Lara Croft et compagnie. Angelina Jolie, voilà, etc. Adeline Chetail. Qui fait la voix de Zelda, Ellie dans Last of Us, etc. aussi, qui seront là toutes les deux le samedi. Rencontre autour du podcast, de la technique, plein de petits trucs sympas, entre bonne compagnie. On a ici trois personnes qui sont déjà venues à Podren et que c'est vachement bien. Ouais, ouais, c'est sympa, c'est vrai. C'est vrai, c'est super. Donc viendez. Viendez. Viendez, on va bien. Viendez, en plus, il y a de la bouffe gratuite, donc il faut venir. Il y a du taboulé, quoi. Il y a du taboulé. Il y a du taboulé, ouais. Jambon, il y a du café. Très important, le café. Quand tu t'es tapé tes 4 heures ou 5 heures de route, t'es bien content d'arriver, d'avoir un bon café bien chaud servi avec gentillesse. Voilà, après, je sais pas qui c'est gentillesse, mais. Donc, ouais, c'est le copain à modération, ah, ouais. C'est pareil. Ouais, c'est une connard. Ça. Ouais, jamais, je les trouve jamais, ça. Bah, du coup, vu que l'introduction d'usage est faite, ah non, on a oublié de dire que c'était du coup l'enregistrement sous le signe de podcast. Oui. Aussi. Voilà. Histoire de faire un petit peu de concurrence à Podren. Parce qu'il y en a marre. Pod d'île dorée, pod départ, pod nièvre. Pod neversaire. Pod neversaire, ouais. Voilà. J'appelle ça pod nièvre, c'est puissant pour moi. Et on a Arianika qui nous dit parce que le café jambon, c'est bon. C'est pas faux. D'accord. C'est pas faux. Coucou. Parce qu'on est en live. Eh oui, on est toujours en live. Heureusement, malheureusement. Pour bon, en fait, c'est bien. Bah, bah oui. Pour c'est bien pour Arianika, du coup. Voilà. Pour notre fun à nous, principalement. C'est ça. Il n'y a pas Milou encore là. Ah oui, ouais, on n'a pas vu le Milou. Milou, si tu es là, cligne des yeux, fais quelque chose. Envoie-nous un tweet, comme d'habitude. Envoie-nous une photo de Nathalie Dormeur. Envoie une photo de Nathalie Dormeur. C'est ça, et puis moi, il faut que je prenne une photo du Subok Zikos pour les envoyer aux Zikos pour dire. Du coup, bah, on va commencer par du c'est bien ou non, et si je me chie pas, faut que je lance d'abord le jingle avant de donner le goûter, on va goûter. Le décapsuleur de la destinée, et faut que je retrouve le jingle, attention. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. Pour ceux qui sont sur on va goûter. Allez, folle. Ils entendent toujours pas les jingles. J'ai soif. Allez, non, vous vous fuyez, les gars. La retranscription. À la parole. Non, mais de dire, il y a deux prunes qui sont passées chez le dire. J'ai oublié. Là, comme un voile blanc. Là. Alors, vas-y, je refais le jingle et tu peux le faire. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal. Il y a un mec qui dit que pour conclure, c'est de ne jamais goûter. La règle numéro 1 dans un deal, c'est qu'il aime bien écouter, il faut goûter. Donc, on va écouter et goûter. Allez, non, vous les gars. Et après, on voit les filles. Du coup, je donne le décapsuleur. Non, bah tiens, je vais donner le pourri à monsieur Asto là-bas. Putain, merci. Mais non, il marche. Si arrive pas, je lui donne le véritable. Le décapsuleur du destin. Décapsuleur du destin. On a acheté un nouveau décapsuleur à BNB hier. Voilà. Qui marche comme ça donc, hein, tu m'as dit. Et logiquement, ouais. Ok. Alors, on va. Finalement, on va pas l'ouvrir. Non, mais d'abord, j'ai introduit la bière. Ouais, vas-y, introduis là. On a un peu dissipé, je trouve déjà. Donc, c'est une tempête du désert, donc une bière de la brasserie de Sainte-Crue. Donc, c'est. J'avais goûté l'Orange Mécanique de la même brasserie, il y a aussi l'Apocalypse Now. Ouais. Qui est passé oui, déjà. Qui était passé aussi dans un épisode. Et donc, c'est une. C'est une bière en apalm, l'Apocalypse Now. Bière blonde pacifiste, un petit sur le côté, il y a marqué Californian Pale Ale. Alors, est-ce que du coup ta voiture a droit et est-ce que la femme enceinte ah oui la c'est pas marqué running gag. Ah non la voiture oui pas les femmes enceintes ah merde. Tu peux la déplacer comme camion en voiture one time. Ah il a réussi, j'ai réussi à décapsuler à peu près, hop là. Ouh, tu es bien pressé, la soif, heureusement ça mousse pas. Pas plus haut que le bord de trop. C'est bon t'as pas bien nickel. T'as bien je crois bien. Pas tout à fait. Et donc je vais faire passer. Ah oui. Ah, d'accord, adieu, cela fermé. Et ouais. Toujours. Alors attends, je vais tester avec le décap VNB quand même. Alors moi j'ai une bière aromatisée. Donc ouais, pour les 3 épisodes, j'ai pris des bières aromatisées. Donc je commence avec une bière aromatisée au cognac. Oh. Donc une XO cognac. Ou on dit XO ou XO. XO comme bisou, non? Ah, peut-être. Bière aromatisée au cognac, bière de France. Voilà. Bière de France. Fait dans la brasserie des Gabariès. Gabarier. Gabarier, il y a un R à la fin. Il marche très bien ce décapsuleur. C'est juste qu'il est une forme un peu. Il n'est pas habitué. Ça, c'est de la ASMR. C'est limite ASMR. Une bouteille transparente. Hein. Oui. J'adore quand on gratte la tête. Et vu que j'ai la flemme, ça va être juste à Tocheux qui a compris. Alors moi, je. Ils ont des capsules. Moi, j'ai le mien. Il vient tout équipé. Ah, toujours. Toujours avec son équipement. Avec sa toujours, et celui-là, et son décaps. Celui-là, il m'accompagne partout parce que c'est un cadeau d'un collègue avec qui je fais du hockey. Et comme vous le savez, après la crosse, le décapsuleur, c'est la deuxième arme du hockeyeur. Alors, ok. Eh oui. Bon, après. Alors, moi, après, les gens, c'est par là. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai fait dans le classique. Je suis resté sur, sur une valeur sûre pour démarrer. Hein, parce que d'après ce que j'ai compris, quand on vous écoute, ça se finit toujours en sucette. Il faut démarrer gentiment. Moi, j'ai pris une petite Lindemans, une Faro. Toute simple. On n'a jamais vu, je crois. Vous n'avez jamais essayé? On connaît très bien la Faro, mais on n'a jamais fait dans le podcast. Bière artisanale, hein, une petite lambic avec du sucre candy. Tout simple, fermentation spontanée. Comme les générations spontanées, donc il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est goûter là. Au moins pour le fun déjà. Faites-vous une idée. C'est du classique. Ouais. Tellement oublié. Après, on va monter en puissance, donc... Toujours démarrer gentiment. Voilà. Avec sa belle petite couleur. Et toc, allez, on est parti. Et pas qui toc. Belle décapsuleur, tiens Benjir. Allez. Ouais. Attends, mon ami. Allez, voilà. Les invités, c'est fais-toi plaise. Alors, je pense que c'est comme ça, voilà. Ouais, c'est une Corsen Donk. Ouais approuvé par Gandalf. Ouais. Voilà, c'est une bière belge, hein, brewed and bottled in Belgium, qui vient de la. Ouais, c'est ça. Qui vient d'un village de Belgique. Ton... Wikipédia. Le prompteur, il a sauté le prompteur. C'est dans le comté de Namur en Belgique, le long d'une route pavée et en côte logiquement baptisée de la brasserie. L'entreprise est formée de plusieurs bâtiments contigus blanchis à la chaux. Oh. Donc elle a l'air d'être bonne, elle est interdite néanmoins aux femmes enceintes et à ceux qui prennent leur voiture. Ah. Non, aux voitures. Aux voitures. Aux voitures. Voilà. Ça rentre pas à la femmes enceintes mobile, en voiture, bon bah c'est pas la peine. Tu peux pas la mettre dans le réservoir. C'est Mais tu peux pas la mettre mal, non plus. Tu peux pas la mettre dans la malle, ni rien. Ou le coffre ou la malle, c'est bon. C'est une bière rousse, presque brune. Hein. Oui, c'est une brune. Hein. Ouais. Elle fait 6,5 degrés. Ou de force. Ouais. Ça va faire léger attends, après la prise. Attends. Voilà. Il volait sur le dos celui-là ou... On va voir la misère. Ah, c'est ça. Attends. Non. Ah bah maintenant il a la souris sur le dos. Bah ouais. Ouais. J'ai un côté nerf. Trop de j'aime. Mais avant, allez, mais Richard au côté d'air, je préfère Corsin donc. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Et donc, à qui et du coup, passe qui de le décapsuleur. Donc, je te passe le décapsuleur, Gandalf. Ouais, parce que c'est toujours le dernier qui. C'est toujours le premier qui. C'est toujours le présentateur qui passe en dernier. C'est ça, qui passe en dernier. Donc, alors, moi, je suis allé un peu. Je suis sorti un peu des sentiers battus pour une fois. Quoi? T'as pas pris une Corsin donc? Non! Bientôt, sacrilège! Soon! Donc, alors en fait, il y avait le 15 jours de l'américaine à Leclerc, au mois de février, si ma mémoire est bonne. Parce qu'il y a eu. C'était pour Donald Trump, peut-être. C'était pour l'élection. Non, le football américain, là. Le Super Bowl. Super Bowl. Ah oui, voilà. Bon, bien. J'avais même pas calculé, tu vois. Ah oui, là où il y a Lady Gaga qui a sauté du. Ah, je sais pas, moi, après, j'ai pas. D'ailleurs, une quinzaine américaine de la bière, quand même, faut oser. Non mais c'est américain, c'est de tout. C'était la semaine américaine, ouais. Il y a eu du Dr Pepper au Leclerc, il y a eu des chips machin, il y a eu des hamburgers. Oh, parce que la bière américaine, mais bon. Des hamburgers. Putain, il m'a fait peur, je croyais qu'il allait ouvrir sa bouteille avec le clavier. Comme ça. Je ne veux pas qu'il se passe un accident de clavier. Ouais, remarque, nous on le fait bien avec nos crosses. Ouais. Marche bien. Chacun avec son instrument, nous on est des kicks, on fait ça avec des claviers. Moi d'habitude je le fais avec ma bite, mais là. Là, j'ai pas osé, je suis pas motivé. Pour un live à l'audio, ça gâche. Déjà qu'avec ce qu'il a pris hier soir. Pour un live à l'audio. Faut qu'il cicatrise. Donc, alors je continue sur ma bière parce qu'on était. C'est quoi en fait? Moi, c'est une Samuel Adams et c'est une Boston Lager, donc c'est une blonde américaine. 33 et c'est gentil, c'est du 4,8 en volume d'alcoolométrie. Et par contre, moi je peux la mettre dans la voiture, pas de problème, les femmes en Z toujours non. Et par contre, visiblement, elles se recyclent, les éco-responsables. Et ça très bien. Celle-là, moi j'ai déjà eu l'occasion de la goûter, elle est pas mal. Ouais, j'ai pris pour la curiosité. Mais c'est marrant parce que hier soir, justement, je l'ai pas trouvé au VNB de Castres. Mais oui, mais lui, il avait déjà apporté ses bières. Hein. Ouais, moi je suis un cheater. Arsouille. On n'entend pas. On n'entend rien. Ouais. Tu le fais vachement bien aussi. Et à la fin... Pour récupérer la levure. Voilà. Est-ce que c'est pas joli? Non. Monsieur a dû doigter quand même. C'est pour pire. Monsieur a dû doigter. Ouais. Toutes mes copines m'ont dit ça. Je vais pas commenter. Petit prétentieux. Mais non. Donc moi c'est une ginger beer de la brasserie Veuzelay, qui est une craft beer que j'ai chopé lors de la semaine craft beer à VNB. Et dommage que j'étais pas là. Quelques temps. Où je me suis bien fait plaisir et mon porte-monnaie aussi. donc c'est une 4,4, c'est IBU 14 pour donner un petit peu le taux et on va décapsuler tout ça sans en foutre partout. Donc une bière au gingembre. Est-ce qu'elle va sentir autant le gingembre que celle du dernier enregistrement que j'avais rapporté? Ah oui, c'est toi qui avais apporté du gingembre. Non, je pense pas. Ah, elle arrache. Bon, par contre, moi, c'est une grande bouteille, hein, donc c'est moi qui présente, c'est du 500 ml. Privilège du chef. C'est ça. Bon, par contre, je suis un petit peu loin du micro, donc du coup, pour verser. C'est pas grave, Gandalf, il le fait bien. Ah, c'est pas plus dur. T'as vu qu'on a des extraits de suicide des gens quand même. Je crois que ça rentrera jamais. Ouais, ton verre est trop petit. Ça ne rentrera jamais! Et donc du coup, bah, maintenant qu'on est tous servis, goûter. On va pouvoir... Et bien goûtons. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûter. On est juste en 20 minutes. On va goûter. Il y en a un peu plus, je vous le mets. J'ai faim. Ça, c'est... Je mets quand même pour le chien. Non, vous faites, les gars. Avec le jingle. Non, non, non. Bon, bah, santé, hein. Santé, hein. Santé. À l'autre. Peut-être qu'elle est chouette. Ah, bah, j'avais soif. Bon, bah ça c'est fait. La mienne est forte. Le gingembre arrive. La tienne est forte. Ouais, ouais. Ah, il est arrivé direct, ça y est resté. Le carton, hein. Mm. Déjà, tu vois, il a moins de. Bon, après, c'est mon père ginger beer, c'est de la bio. Donc après, il n'y a peut-être pas forcément c'est les bon, c'est bio. Arômes. C'est bon, c'est elle bio. Est beaucoup plus légère en gingembre. Ouais. Ouais. Et je reste si je t'en retrouve une comme celle que j'avais apportée, hein. Mais en gingembre, c'est la Iki gingembre. C'est une brasserie japonaise qui est super bonne aussi. Ah, c'était une française. Ouais, donc il y a eu un moment paparazzi. Vous entendrez des bip bip. Dans la bière au gingembre, comme tu vois, ils mettent du gingembre dans la fermentation, dans le brassin, au bout d'un moment. Ou c'est aromatisé avec des extraits de gingembre. Comment ça se passe? Alors. Parce qu'elle a vraiment un goût, quoi. Ah oui, goûtez. Encore. Fais voir ou quoi? Fais voir ou quoi? Ce podcast ne finira jamais, quoi. C'est ça. Après, c'est un mot en allemand, donc cette Hefeweizen enrichie de gingembre et de graines de coriandre est une bière fine, légère et très rafraîchissante. De fermentation haute, elle est composée de 3 maltes, de 2 houblons, d'eau de Morvan, levure sans OGM, non filtrée, non pasteurisée. Donc il lit l'allemand, il est capable de le traduire couramment. Non, c'était le... Bravo, bravo Azerto. Oh putain. ça va être long. Ouais, non, c'est... jingle en retard parce qu'il faut que je clique sur jingle palette. Celle-là, elle est faite. Oui, non, le mot allemand, c'était le Offenweisen. Est-ce qu'on a branché le compteur à du coup? Ah bah non. Non, ah non. Bon. Ah bah du coup, non. Bah tant pis. Du coup, non. Pourquoi j'en ai sorti, du coup? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Ça vous entend. Ouais, c'est celle-là que j'avais apportée, tu vois. Et celle-là, au niveau gingembre, elle arrachait vraiment rien qu'à l'odeur. Hein, c'était bon ou pas? Tu sentais que ça. C'est particulier. Ouais, ça veut dire que c'est pas très très bon. Quoi. Ah si, oui, je l'ai fini, je l'ai bien aimé, mais c'est particulier quand même, hein, c'est à mon avis. Il faut aimer le gingembre. Ouais. Oui. Ouais. C'est vrai, pour le coup, tu sens que ça. Là, c'est léger, mais l'autre, là, tu sentais vraiment que ça, quoi. Alors du coup, moi, je fais un petit peu de place, parce que... Hein, du coup, plus... je vais recentrer mon... Non, non, mais c'est bon, c'est pas sympa aussi. Et on va enchaîner... Non, le... tu veux encore goûter? Non, c'est bon. Ah si, on doit goûter, enfin, ah oui, à l'enregistrement, le truc à la prune, de ouais, cadeau de... Ouais, donc vas-y, introduis-nous la prune, Vilger. La vieille prune. Ouais. C'est en fait, c'est pas une liqueur, quoi, c'est l'alcool de prune, en fait. Sauf que au lieu d'être fait dans une cave par un grand-père un peu gâteux, c'est bon. C'est fait par des moines, comme la bière. Ouais, je pense que c'est la vieille prune de Souillac. C'est, ouais, c'est conservé vieille... en vieux fût de chêne. Ouais, ouais, c'est une vieille entreprise. Alors, c'est un alcool assez fort, qui à 42 degrés, mais qui n'est pas trop fort non plus. Mmh. Voilà, ni c'est trop, parfumé. Ni trop peu. C'est ça, pour l'avoir goûté vraiment, ouais, hier, après le bon gros repas. Ah, on l'a bien goûté hier quand même. Ah, bah, bien, on l'a bien goûté. Ouais, ouais, goûté plusieurs fois. Moi, je l'ai bien goûté. Tu l'as goûté ou goûté? Bah ouais, moi j'ai... Ouais, ouais, mais ça c'est des formations professionnelles. Non, j'ai goûté une fois, deuxième fois pour m'en assurer, troisième fois pour valider la deuxième. À la quatrième, j'étais à peu près sûr. Donc en fait, c'est la vieille prune de Souillac. D'accord. Ouais, c'est le nom de la bouteille. Ouais, du coup, vas-y, sers donc une lichette. Hein, ouais, une petite lichette. Une louchette, hein, pas plus. Pas plus que le bord. Voilà. Un peu. Attention, ça c'est le verre à eau. Celui-là. Alors, malheureux. Une lichette. Malheureux. Malheureux. Une larme de chute. Tiens, sers là-bas, moi je me servirai à la fin. T'inquiète. Au boulot. Oh non, quand même pas. Oh oui, merci. Pas avec les invités. Ah merde, c'est moi qui suis invité. Ça après, tu fais ce que tu veux avec Benji. Hein. Oh non, non, on avait dit non. Et j'ai rien dit, j'ai dit. Eh ben continue. Benji, hein. Ah, on sait pas ce qui se passe. Hein. Si Benji est d'accord. Ou pas, hein, tu sais, après trois verres. Oh. La fête est plus folle. C'est explicite, hein, on est... Ah bah, oui, de suite. On est raccord. Merci. J'ai 80 degrés là, l'explicité arrive avec. Et je peux dire que vu la présentation du 8.3, ça va aller loin. C'est bon. Bon, ça battra pas le record du... quand même, la fois de... Salut les 6 blancs hétéros. Ouais. Mais tu l'as pas fait, putain, du coup, celle-là. Si. Si, je l'avais déjà. Si, il l'a fait. C'est ils sont aussi, ils faire, non, oui, c'était la fois, dernière j'ai... session. Je l'ai ramené avec moi. Donc, du coup, bon, on va pouvoir. On va goûter la vieille prune. On va goûter ça. Moi, je relance pas le jingle. Hein. Non, c'est bon, on va goûter. Démerdez-vous. 20 minutes, j'en ai brodé. 20 minutes, on a fait que boire pour l'instant. Ouais. On a même pas mangé une seule shit. Non, aussi. Oh, si. Tu peux. Bah, par contre, je veux bien le fromage. C'est confirmé, c'est bon. C'est bon. C'est confirmé, c'est très très bon. Une gorgée de bière, tu vas voir. Prune fromage. Une gorgée de bière. Et du coup, bah, vu que je me sers en fromage, je vais laisser la parole à monsieur Asto qui va nous faire son dossier. Ah, ça se passe, moi. Qui s'appelle Les lectures d'Asto. Oh, oh. C'est un truc pas du tout préparé, du coup. Ouais, mais tu vois, déjà, tu as le droit à un jingle ou pas? Ah oui, non, excusez-moi. Bon, bah vas-y, pique-moi le couteau. On dit bah, oui. Moi, du coup, je lance le jingle que je peux rien faire. Que je me trompe pas. À la main, roulé sous les aisselles. À la main sur Audacity, en prenant une musique et j'ai coupé. Un extrait. J'ai donc pris ma super besace habituelle, contenant une dizaine de mangas, je crois. Ah ben. 8 ou 10 mangas que j'ai pris de ma bibliothèque, des tom-tom. Pas au pif, mais voilà, j'avais envie de les présenter, en parler un petit peu, tout ça. Donc je les ai mis dans ma besace de manière totalement aléatoire, je vais les tirer et je vais vous les présenter je vais les tirer de manière tout aussi aléatoire. En parler de manière, voilà, les pitcher, essayer de vous donner envie de les lire ou d'en lire d'autres. Tout simplement. Alors on va commencer par celui-là, je sais pas ce que c'est. Alors. Au paradis. On va poser ça. Je suis tombé sur le tome 1 de Love Dilemma. Alors, ce qui m'a donné aussi l'idée de cette petite rubrique, c'était l'article concernant les ventes de mangas. Ah oui. En France. Ouais, c'était en France, ouais, sur l'année 2016. Avec les progressions, le manga toujours en progression en France, malgré. Malgré la crise. La crise et. Toujours connu. La surproduction. Non, pas spécialement, mais. Voilà, il y a des éditeurs qui sont montés, il y a des gros éditeurs qui sont beaucoup descendus, et beaucoup de petits éditeurs qui sont un petit peu montés, et du coup ça fait qu'il y a quand même ça équilibre un petit peu. Une grosse progression, et Love Dilemma fait partie des flops, un peu, enfin, des titres qui ont pas eu... Des pas succès de presse. Des pas succès, alors que c'est un titre plutôt sympa, oui. Que j'avais trouvé. Alors, je vais vous lire le pitch qu'il y a derrière, en fait. Alors... Ne te méprends pas, ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on va sortir ensemble, tu peux déjà m'oublier. Natsuo, lycéen et secrètement amoureux de Ina, sa prof d'anglais, qui a beaucoup de succès au lycée. En parallèle, il a une relation avec Rui, une fille peu sociable rencontrée lors d'une soirée entre potes. Peu de temps après, c'est son père qui lui annonce qu'il va se remarier avec une femme ayant deux filles, qui se révèlent être Rui et Ina. Nouvelle vie. Des plus explosives commence par Natsuo. Explosive ça pour les vagins. Ça finit en partie carré, le truc là. Putain. Explosive pour les vagins. Oh. Donc voilà, c'est. Explosion de foufoune. Il a l'air de savoir. Hein. Pour les fions, non. Merci. C'est un manga, donc c'est un peu le genre de manga que. Qui un manga de fion. Que j'apprécie moi, donc c'est de la. C'est une tranche de vie. Non, c'est de la comédie romantique shonen, donc c'est de la comédie romantique pour garçons, donc en général c'est le truc où t'as un mec et 14 filles autour. Ouais, c'est du harem. Voilà, du harem. Alors il y en a un peu, mais l'approche est différente. C'est l'auteur c'est l'auteur de Good Ending. Ah, voilà. Qui avait fait déjà un truc de style harem, mais très ado. Et donc là, on est sur un truc beaucoup plus mature, puisqu'on parle vraiment de relations amoureuses de manière beaucoup plus crue. Le tome s'ouvre sur une scène de sexe entre les deux personnages. Bah, attends, j'ai vu. Bah, merde, je suis venu pour ça aussi. Ah, la prochaine fois, ramène les hentai. Ah oui, je ramènerai les hentai avec les animaux. J'ai d'autres trucs dans ma besace. Ah, ouais, mais l'autre, elle est carrément dessiné à poil dans la douche et tout. Ouais, ouais, voilà. C'est bien ça, je comprends pas pourquoi j'ai jamais aimé les mangas, mais me le présenter comme mais ça. Mais du coup, pourquoi il ferait pas un manga harem shonen sans bouillon? Un neketsu, voilà. Donc, à chaque fois, il s'en tape de plus en plus bonnes et de plus en plus voraces. Comme dans la vie, quoi. Pas à tout le monde. Et donc, mais faut capter la bonne première fois, quoi. Et là, tu la prends au ras du panier, hop là. Tu peux que t'améliorer. C'est bien dessiné, en tout cas. C'est très bien dessiné. Elle est pas à son coup d'essai. Ce Good Ending fait quand même une bonne quinzaine de tomes, il me semble. Oh, 15-20 tomes. Hein. Et donc, voilà. Et donc, c'est un traitement beaucoup plus mature des relations amoureuses, puisqu'il y a. Ça parle aussi d'adultère, de choses plus. Plus poussé que juste un mec et 15 nanas genre Lovina, même si j'adore Lovina, je l'ai lu 3 fois et c'est super bien. Lovani. Et donc voilà. Ah, et Lovina, c'est pas le truc de France, c'est pas le truc de l'audiovisuel. De quoi? Quoi? Ah, Ina. Le truc de ah, c'est l'Institut National des Archives. Ouais. Ouais. Alors, du coup, on est nulé. Et t'as fini de dire c'est une histoire d'amour à l'Institut. Ouais, ok. Ça se passe dans une bibliothèque. Et tu peux t'amuser, à regarder la vraie couverture des tomes. Ah oui, qui sont des versions. J'ai pas vu qu'il y avait une vraie couverture. Voilà, c'est une version alternative de ce qu'il y a sur la surcouverture, mais en version beaucoup plus érotique. Ça y est, j'adore les mangas. On voit pas de. Ah oui, on voit pas de. D'ailleurs, il est meulé comme jamais. Les seuls poils qu'on voit, c'est pas des cheveux. Quoi. Ah bah, tant qu'il y a du poil, c'est légal. C'est vrai. Ouais, alors là, donc, ça c'est comme quand, s'il y a gazon, il y a match. Moi, ouais. J'ai des collègues, ils sont pas partisans. Ils sont pas partisans, je vous le dis. Moi j'ai fait ça à un collègue, j'ai dit s'il y a gazon, il y a match, il a fait non. Il n'y a pas moyen. Depuis mon passage en prison, j'ai beaucoup mal le sourire. Tant pis. S'il y a savon, il y a match. S'il y a prison, il y a match. Ok, bon du coup. 8 fois même, 8 fois. Vas-y, enchaîne là-dessus. Donc c'est toujours en cours, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes pour l'instant en France, je sais je, pas. Ça, je m'en souviens. Et c'est chez. Tonkam chez Delcourt. Delcourt, Tonkam. Delcourt, okay. Ça a été racheté, mais ils veulent tous fusionner, donc c'est ça chez Delcourt. Hop, allez, on va essayer d'en choper un deuxième. Hey, rassure-moi, dis-moi que tu vas crescendo là dans le truc. C'est au pif, hein. Mais ah, non, mais t'inquiète, j'en ai un. Fais-moi, faut que j'y retourne. J'ai rien avec des tentacules. Non. J'ai rien avec des tentacules. Hop là. Ah bah voilà, remarque. Non, mais là, c'est, t'inquiète, c'est pas. Ah, c'est du Love Love Non, non. Ah. Pas du tout. Hop, Kasane. Chez Kiyun, dans la collection Seinen de chez Kiyun. Là aussi, je crois qu'il y a des surcouvertures. Ouais, non, c'est la même chose, mais c'est différent, c'est pas érotique. Donc, Kasane est une fillette au visage repoussant, presque difforme, régulièrement insultée et maltraitée par ses camarades de classe. Sa mère, actrice de premier plan, célèbre pour son immense beauté, lui a laissé pour seul souvenir un tube de rouge à lèvres et une consigne mystérieuse. Si un jour ta vie devient trop insupportable, maquille tes lèvres, approche l'objet de tes convoitises et embrasse-le. Quand au bord du désespoir, Kasane s'exécute, elle fait une découverte incroyable. Le rouge à lèvres légué par sa mère lui permet de s'approprier le visage de ses victimes. À la fois malédiction et bénédiction, cet héritage va offrir à la jeune fille un avenir auquel elle n'ose rêver jusqu'alors. Et donc voilà, c'est l'histoire d'une fille qui est absolument hideuse. Tu vois quasiment jamais son visage parce qu'elle est toujours cachée par les cheveux, elle a la bouche complètement déformée, elle a des cicatrices et tout. Et donc voilà, sa mère meurt et lui laisse donc ce rouge à lèvres qui lui permet de voler le visage des gens. Et grâce à ce rouge à lèvres, elle va pouvoir connaître un peu le même destin que sa mère, c'est-à-dire devenir une actrice de premier plan. Parce que, outre le fait qu'elle soit très moche, elle est une comédienne de théâtre hors pair, en fait. Elle est extrêmement douée pour ça. Et donc, le fait de pouvoir voler le visage des gens va lui permettre de s'exposer aux lumières et en plein jour, en fait. Et pour voler le visage des gens, il faut qu'elle les embrasse. Voilà. Il va falloir qu'elle embrasse une personne et elle prend possession de son visage pendant 12 heures. Toutes les 12 heures, il faut qu'elle réembrasse la personne à qui elle veut prendre de visage. Donc c'est un titre que j'avais un peu hésité au début à acheter. Mmh. Et au final, je l'ai pris et j'en suis pas du tout mécontent parce que c'est une histoire un peu différente de ce qu'on peut trouver généralement... Dans les seinen ou dans les shoujo ou les shonen, enfin quoi que ce soit, puisque ça va être un traitement de la différence aussi, la différence des autres. Est-ce que t'es la même personne si tu n'as pas le même visage? C'est ça. Oui. Et il y a des. Enfin, quand on avance dans le manga, dans les tomes où j'en suis moi, donc c'est le 6-7, il y a un autre personnage qui est très joli. Mais qui a le même souci que Kasane, c'est-à-dire qu'elle est maudite par le fait qu'elle soit belle. Elle. C'est un peu le contraire. Voilà, donc quand tu vois la surcouverture, tu vois son vrai visage. Le premier réflexe que j'ai eu après le premier bouquin, c'est d'aller voir la deuxième couverture, justement, de dire attends, c'est peut-être marrant, il y en a peut-être. Et c'est encore une couverture différente. C'est une couverture différente. Les deux visages de la personne. Voilà, c'est super. C'est hyper bien fait. Ouais. C'est très bien composé. Les couvertures sont dans un style graphique. Très particulier, ce n'est pas du tout les dessins qui sont à l'intérieur. D'accord. Les dessins à l'intérieur du manga, c'est quelque chose de beaucoup plus classique que ce qu'il y a sur le couverture. C'est le dessinateur, dessinatrice ? Oui. C'est la même personne qui fait l'intérieur et les couvertures. Je crois bien, ouais. Ouais, c'est déjà pas le même style de dessin. Hein. C'est pas dans le même style de dessin. C'est plus nerveux là. Tu me fais envie. Pas le même style de registre non là, plus. Là, c'est le premier, c'était plus fleur bleue, et là, c'est un peu plus nerveux, c'est un peu plus. Il y a plus la notion de mouvement, ça a l'air bien. Ouais. Voilà, donc c'est intéressant après d'avoir, en avançant dans le manga, d'avoir l'approche de deux personnes qui ont le même souci, mais une parce qu'elle est moche et une parce qu'elle est belle. D'accord. Elles ont tous les deux un souci de regard de la société sur elles-mêmes, mais il y en a une qui ne supporte pas le regard des autres parce qu'elle est moche, et l'autre qui ne supporte pas le regard des autres parce qu'elle est trop belle. Ouais, en gros, tu peux être différent mais avoir les mêmes problèmes. Voilà. Et donc il y a un traitement, t'as une seconde lecture en fait sur le traitement de la différence qui est. Et il y en a dans le tibien. Qui est très intéressant. Donc chez Kiyun. Ouais, chez Kiyun Seinen. Collection Seinen, ouais. Ils font des bons trucs chez Kiyun. Alors en suivant, hop là, essaie de pas les froisser. Encore chez Kiyun Seinen, youpi. Tournez au sauciflant. Hein. Hop. Ah oui. Ça c'est un manga, il pèse une tonne. Pourquoi? Parce que c'est tout en couleur. Ah oui, du coup, c'est du papier glacé à chaque fois. C'est du papier spécial bien épais et c'est tout en couleur. C'est bien épais. Alors, Real Life, bon, je vais pas vous lire le pitch derrière parce que c'est très long. Le en gros, c'est. Le je vais juste prendre le nom du personnage Arata, donc qui est salaryman de 27 ans qui décide de plaquer son boulot. Et qui veut essayer de trouver un autre boulot, mais en attendant, en fait, il ment à tous les gens, à tous ses potes, toute sa famille et tout, quand il sort pour boire un coup et tout, en disant qu'il a encore du boulot. Et un soir où il rentre chez lui, le salaryman qui sort du bar, il est carpette, il rentre à quatre pattes, il tombe sur un mec qui lui propose de faire partie d'une expérience, de l'expérience Real Life, qui lui permettrait de rajeunir pour recommencer sa vie professionnelle, en fait. Donc le deal, c'est qu'il prend une pilule et qu'il rajeunit, il revient à 17 ans. Et il revit une année de lycée, et à la fin de cette année de lycée, on lui promet d'avoir un job, une nouvelle vie, quoi, en gros. 17 ans, comme dans les romanesques. Et donc, en fait, le mec rentre chez lui, et comme il est complètement torché et tout, il sait pas trop ce qu'il fait, et il prend la pilule sans même s'en souvenir, et le lendemain matin, quand il se réveille, il se regarde dans la glace, ben, il a rajeuni, il se retrouve quand il était ado. Et donc, tu vas suivre ensuite les aventures de Arata au lycée, dans la peau de lui de 17 ans, sauf qu'à l'intérieur de sa tête, il en a 27, il est plus vieux que sa prof, quoi, en gros. Et donc, il va essayer de s'intégrer socialement dans cette classe de gens qui ont vraiment 17 ans pour essayer de survivre, en fait, à cette année de lycée, parce qu'il faut qu'il arrive à finir son année de lycée pour pouvoir avoir sa nouvelle vie. Et même si au début il se dit ok, je vais juste faire une année de lycée tranquille, rester dans mon coin et tout, et en fait il peut pas s'empêcher, par le fait qu'il soit plus mature dans sa tête, il va se mêler un peu des histoires de tout le monde, essayer de réconcilier tous les gens qui s'entendent pas, d'essayer de... Il y a une fille qui est complètement isolée, qui est la tronche de la classe, mais qui est pas du tout sociable, il va vachement se rapprocher d'elle pour essayer de l'aider, il tombe à moitié amoureux d'elle, ou on sait pas trop et tout. Est-ce que c'est comme ça qu'il va générer son nouveau destin de par la manière dont il va vivre l'année de ses 17 aussi, ans à chaque fois, quoi. C'est aussi ça. Et en fait, dans la classe où il est, il y a aussi le mec qui lui a donné la pilule, qui est son observateur, qui est son responsable et qui fait partie de cette classe aussi. Donc il est observé 24h sur 24, en fait. Et il le sait que l'autre est dans la... Ouais, il le sait. Quand il voit arriver dans la classe, il dit « Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ?» En gros, c'est ça. Alors du coup, c'est pas sur du papier glacé, mais sur du papier un peu plus épais. C'est du papier épais. Classique, mais plus. C'est l'adaptation d'un webcomics à la base. Ça existe aussi en version animée, qui était sortie été 2016, sur Crunchyroll. Ils avaient sorti les 12 épisodes d'un coup. Et après, il est rendu disponible gratuitement, un à la fois, d'une semaine sur l'autre. Donc pour l'instant, le manga, là où il en est, n'a pas rattrapé les 12 épisodes de l'animé que j'ai déjà vu. Il y a 5 ou 6 tomes, non? Pour l'instant, on est à 4 tomes. Ouais. 5, j'ai pas lu le 5ème, je crois qu'il est sur la table de nuit, le 5ème. Ça vient de sortir, je crois. Après, au niveau graphisme... C'est assez minimaliste, hein. Je trouve ça plus beau que, on va dire, le manga classique. Après, c'est peut-être l'effet couleur. Après, les personnages sont plutôt bien, mais il y a très peu de fond. C'est toujours des fonds unis. Des fonds unis, ouais, des couleurs à chaque c'est, fois. Bah, c'est après, pas travaillé là-dessus. C'est minimaliste, ouais. Ouais, c'est très minimaliste au niveau des arrière-plans. Ça, mais après, c'est les personnages... Mais après, il y a du travail sur la couleur. Ouais. Bah après, d'après le pitch, de toute façon, l'arrière-plan, est-ce qu'il est vraiment important ? Non, c'est pour ça que. Voilà. Le parti pris d'avoir moins d'arrière-plan et de la couleur. Bah ça colle un peu avec le thème de l'histoire, avec le mec qui revient sur lui et qui doit prendre des décisions ou qui doit acter des changements. C'est ça. Du coup, l'arrière-plan, bon, tu t'en fous un peu. Ouais, mais c'est assez comique aussi parce que comme il revient 10 ans en arrière. Il a tout oublié de ce qu'il avait fait au lycée. Ouais. C'est un cancre pas possible, il se tape que des sales notes. Et tant qu'il a pas la moyenne, on lui fait refaire le même test toutes les semaines. Ouais. Du coup, il révise avec les têtes de sa classe et il vient de chez lui. Sauf que chez lui, il y a le cendrier plein de clopes, ouais. Il y a des bières au frigo. Il débarque chez lui, il se dit putain, et il fait le ménage en 5 minutes, il planque tout sur la terrasse, il ferme les rideaux. Ouais, c'est, là, t'as quand même une position entre l'adulte et l'ado. C'est ça. Parce qu'il y a une double couverture. Non, je crois pas qu'il m'a traumatisé. Moi, le premier bouquin m'a traumatisé. Je vais trouver la deuxième couverture à chaque fois. Ah oui, si, il y a des strips sur les couvertures. Il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de faux. Et la forme. Allez, hop, le suivant. C'est très clair. Hein. C'est vraiment très très clair. Bouteille. Ah bah voilà. Ah voilà. Oula, oula. Ah bah voilà, attache-moi. Attache-moi, oui. Là on est sur le plus... Avec le point d'exclamation, c'est une cravache et le A est relié à une deuxième monnaie. Voilà, et la fille a un collier avec une laisse. Et là, il y a une double page, une deuxième couverture. Ah, non, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Non, il a l'air d'avoir 14 ans. Il a l'air d'avoir 14 ans. Après, c'est ça qui est un petit peu ouais, sur les mangas, c'est tu sais pas, des fois, pas donner vraiment l'âge. Les personnages sont adultes, mais souvent l'air très jeunes, même adultes, hein, ils sont très jeunes d'apparence. Hein. Oui, là c'est des lycéens. Comme des vrais japonais. Alors, attache-moi. Bon, c'est très rapide ce qu'il y a écrit au dos, donc je vais vous le dire. Tu aimes le faire attacher, petite coquine. J'ai décidé de me soumettre entièrement. T'es-tu déjà promené en laisse? Personne ne doit nous voir. C'est ce qui est excitant. Donc en VO, le manga s'appelle Nana Tokaru, ce qui veut dire Nana et Kaoru, ce qui est le nom des personnages. Donc, en français, c'est beaucoup plus explicite. Un peu comme un usboté, quoi. Ouais, c'est ça. En VO, c'est Kissas, hein, je crois. Ouais, c'est pas très Vénus Beauté quand même. Non, mais c'est Kissas. Mais parce qu'en français, ils ont voulu faire le jeu de mots Vénus Beauté sur Kissas. Donc, Attache-moi, c'est un manga qui parle de SM, tout simplement. Donc, c'est l'histoire de Nana et Kaoru. Donc, Nana, la fille qui est sur la couverture, et Kaoru, c'est un pervers complètement passionné par le SM. Il a plein d'accessoires chez lui, alors qu'il a en fait rien parce qu'il n'y a personne pour qu'il a. Ah, comme moi, les jeux ou blister, quoi. Voilà. Exactement. Ah, d'accord. Et donc ils sont voisins, ils sont amis d'enfance, ils sont dans le même lycée, même s'ils se côtoient plus parce que c'est un gros pervers, donc il n'intéresse à personne, Kaoru. Et sauf donc un jour, le déclic. Sinon il n'y a pas d'histoire. Voilà. Elle rentre chez lui et elle enfile le truc. Non, en fait elle reçoit le colis du voisin, va chez elle. Presque. Et elle déballe, elle fait oh mon dieu. Et je l'enfile. Et je l'enfile. Et là, c'est alors que le voisin rentre parce qu'il savait qu'il y avait le colis. Et là, quiproquo, quelqu'un sort du placard. Tout le monde le regarde. C'est presque ça. Non, en fait, c'est la mère de Kaoru qui va piquer tous ses accessoires SM et les filer à Nana qui passait par là, parce que son voisin, pour que Kaoru, un soir quand même, il se mette un peu à bosser ses cours plutôt que de se masturber sur ses accessoires. Pourquoi il se masturbe pas dans la rivière? Peut-être peur des saumons. Oh, teasing. Teasing du prochain posé. Et donc, Nana va se retrouver avec ce sac d'accessoires, dont une combinaison SM en cuir. Et elle rentre dedans. Elle va sortir ça et elle va se dire tiens, mais qu'est-ce que c'est cette merde? Et elle va l'essayer. Et là? Et comme une conne, elle va se retrouver à verrouiller le cadenas, sauf que la clé, elle l'avait pas, la clé, elle était restée dans le tiroir de chez Kaoru. Et la patatra. Et la patatra. Et comme c'est déjà pour aller avec sa combinaison. Elle est obligée d'y aller avec sa combinaison et donc l'autre, il en profite pour la faire jouer un petit peu. Tu laisses tes mains bien voyantes. Hein. Ça donne. Les mêmes au-dessus de la table. Ah ouais? Il faut vraiment que je me mette au manga, moi. Et en gros, s'ils avaient un gros... Oui, il faut que je me mette au SM. Ouais, alors là, ça n'engage que toi. Non, putain, c'est... En fait, l'histoire aurait pu s'en arrêter s'ils avaient une grosse PSM au Seigneur, ils faisaient sauter le cadenas. Exactement. C'est formidable. C'est japonais, quand même. Mais l'approche... Enfin, il n'y a pas de scène de cul. Non. Ben non. Dans... Il y a 10 tomes pour l'instant. Je les ai tous, je les ai lus. Il n'y a aucune scène de sexe, c'est vraiment que du jeu SM érotique. Par contre, c'est quand même bien explicite dans les actions SM. Oui, là encore, de fou, il y a du jeu en société. Oui, non, dans la suite, ça va plus loin en fait. Il va un peu crescendo pour essayer de pousser Nana dans ses limites. Parce qu'en fait, le deal, c'est que Kaoru, lui ça l'éclate d'avoir une partenaire pour faire du SM. Et Nana, en fait, c'est une intello, elle est première de sa classe, elle fait partie de l'association d'athlétisme. Ça la débride un peu. C'est voilà, celle qui prépare tous les entraînements du club d'athlétisme, elle fait partie du conseil des élèves, elle est vice-présidente du conseil des élèves. Tout le monde lui fout du travail sur le dos parce qu'elle ne sait pas dire non, elle est super gentille et tout. Et donc, se laisser aller et être soumise, entre guillemets, ouais, ça la libère complètement, en fait. Ça a l'air bien quand on va dire. Et est-ce que c'est une bande dessinée érotique ou pas, du coup? Alors, c'est mental, c'est psychologique, mais est-ce que c'est érotique ou pas? Je dirais érotique, oui, par les situations et les dessins. Mais voilà, c'est pas... ça s'arrête là, quoi. On va dire... Ça fait pas bander quand on le lit, quoi. C'est pas pornographique. C'est érotique, mais pas pornographique. Ah, oui. Ça fait demander quand on le lit ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Je sais pas. Ça dépend. Regarde, vas-y. Ça dépend. On a tous le rivé là. Apparemment ça marche. Ça fait bander. Sans les mains. Si. Non, on y voit la boîte. Mais non, il y a un cadenas. C'est bien dessiné quand même. Oui, c'est très très bien dessiné. Mais elle est bien achalandée, dis donc. Ah oui, oui, non, elle a, si tous les délégués de classe pouvaient être gaulés comme ça, je peux dire que franchement j'aurais été plus assidu. Un manga à fantasme quoi. Foiré. Tu vois ? Ouais, c'est on parlait d'Emmanuel Macron qui était beau. Mais là, c'est on a tous envie d'avoir une voisine qui ouvre son foyer. Il y a de ça, oui, c'est sûr, il y a de ça. Ouais. Enfin bon. Emmanuel Macron, c'était quoi ? C'était sa prof de maths ou un truc comme ça ? Hop, et donc ça c'est chez Pika dans la collection Senpai. Ouais. C'est pas mal. Ça fait envie tes mangas. Ils ont des bons trucs. Ok, moi ce soir je dors dans la chambre. Senpai, hein. Ouais. C'est chez qui déjà Pika. Enfin, une collection Senpai, c'est enfin, le logo Pika mais avec marqué Senpai à la place. Oui, je vois. Au niveau de la graphie, ça me disait quelque chose. Ouais, c'est vraiment une collection plutôt mature. Ouais, c'est très mature. C'est des Sarulok dans cette collection-là où c'est un crocheteur, c'est un serrurier qui est engagé par des yakuza pour crocheter des serrures et faire des cases. Putain, ça me dit quelque chose. Et c'est très, très explicite aussi. Par contre, là, c'est on voit un petit peu quoi, les scènes vraiment de sexe. Ah ouais. Mais ouais, mais cette collection-là est très portée porno ou sexe, mais très mature et crue en fait. S'il y a une scène de sexe, bah. Tu vois la scène de sexe. Mmh, c'est pas imaginé. Imagination. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu sors de ton cul? Encore. Encore un truc qui fait bander. c'est parce qu'il y a une fille sur la couverture, c'est ça? C'est ça. Là, non, il n'y a pas de double couverture. Ouais, si, y a une double couverture, mais bon, c'est... Me dis rien, je veux découvrir tout ça. tac. Donc, c'est Love Lies chez Pika, encore une fois. Putain, mais cette fois, c'est pas la collection Senpai. C'est la collection classique, donc c'est de la comédie romantique shonen. Bienvenue dans une société où tomber amoureux est interdit. De nos jours, c'est le gouvernement qui décide du conjoint auquel chaque citoyen, dès ses 16 ans, devra en passer le reste de sa vie. Moi ça me va. C'est 1984 ton truc. Une réalité à la fois source d'espoir et de désespoir. Ce bonheur promis sur la base des critères génétiques, Yukari n'en veut pas, car il nourrit en secret un amour brûlant pour la populaire Misaki. Dans une société où avoir des sentiments pour autrui est illégal, ce lycéen ordinaire s'apprête à vivre une aventure interdite. Donc jeux c'est interdit. C'est c'est l'histoire. Bah, tu vois, ça a l'air super. Ouais, encore une fois, c'est pas grand chose. Non, mais c'est toujours double face. Quoi. Ouais. C'est toujours sympa d'avoir. J'adore avoir des couvertures. Et donc ? Donc ça va être l'histoire de Yukari, donc ce jeune garçon qui est amoureux de Misaki. Et en fait, il va décider de faire sa déclaration à cette fille qu'il aime. Déclaration. Un soir, et à sa grande surprise, elle lui répond : ouais, ben moi aussi je t'aime. Ça part bien. Ouais, problème. C'est pas eux qui choisissent avec qui ils vont passer le restant de leur vie. Mais ça peut libérer. Et au moment où il fait sa déclaration, bam ! T'as deux agents de gouvernement qui arrivent pour lui remettre sa lettre. Ah, bien joué, GG Wellplay. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas le nom de Misaki sur sa lettre. Et là, la carte. Il y a le nom de qui? Ririna. Il y a le nom de Ririna qu'on voit au dos. C'est elle. Bon, ça va, elle est pas mal non plus. Oui, sauf que cette fille-là, bah, elle en a rien à foutre de Yukari. Et en fait, elle voudrait savoir ce que c'est le sentiment amoureux, qu'est-ce que c'est l'amour, tout ça. Oh, putain, et donc, une cérébrale. Pour ce... ouais, oui, c'est ça. Et donc, putain, alors ça, par contre, je vais pas marquer des points. Et donc, en fait, pour voir ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est le sentiment amoureux et tout, elle va essayer d'aider Yukari et Misaki à vivre leur relation. Ah, d'accord. Elle va se mettre hors la loi, elle va faire tout ce qu'il faut pour ou quoi? Non, mais c'est ça reste son nom. C'est soft test. Il l'avait au panier quand même. Non, mais je veux dire, se mettre hors la loi par rapport au fait qu'ils n'ont pas le droit de choisir eux-mêmes qui vont aimer. En fait, elle va juste dire au garçon : je t'ordonne de l'embrasser une fois par jour. Ouais. Donc, une fois par jour au lycée, ils essaient de se retrouver quelque part et de s'embrasser les deux. Quoi. Et donc, au fur et à mesure, voilà, les relations entre les personnages vont se développer. Et, pour l'instant, il n'y a que deux tomes. Ou trois, je sais plus. Oh, mais ils mettent la langue en plus. Ouais, en plus, oh les cochons. Il doit y avoir ça s'y passe pas. À la française, ouais, c'est ça. Tiens, tiens, ça. On va s'embrasser à la française. Ah, c'est pas mal. C'est marrant. Voilà. Alors, c'est assez particulier comme dessin puisque t'as des grands yeux dans le style shoujo, tu vois, sur les personnages, oui, sur oui, les personnages vrai. Féminins. T'as des grands yeux de style manga pour filles. Mm. C'est parce qu'ils ont les yeux qui crient braguette. Et des toutes petites pas bites. Pour filles. Shoujo. Du shoujo, mais shoujo, ça veut dire jeune fille. Oui, mais hein, voilà quoi. Mais on reste dans de la comédie shonen, enfin pas, c'est pas tellement de la comédie, mais du shonen romantique. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, puisque c'est une série qui est assez récente, hein, que j'ai lu que 2 ou 3 tomes pour l'instant, mais bon, pour l'instant il y a juste le développement des sentiments entre les personnages, on sait qu'a priori il y a un pote au garçon qui... Il supporte pas trop Misaki, enfin il y a un Willy sous roche entre les deux. Qui balle sous caillou. Ouais, voilà, c'est ça. Et Rina qui commence à se demander qu'est-ce qu'elle ressent vraiment pour Yukari, est-ce qu'elle l'aime, est-ce qu'elle l'aime pas, parce qu'il y a patati. Il gigue vraiment en retard. Ouais. Parce qu'en fait, sous caillou, ça fait un peu penser à un truc japonais. Sous caillou, oui. Enfin, non, je la ferai pas. Je veux pas prendre un coup de cymbale. Et c'est pas fini. Oh, oui, sous caillou. C'est pas fini, moi j'en ai encore 3. Oh putain, peut-être qu'on devait répéter le budget. On va avoir le temps de finir. Ah bah... Non mais ce qui est con, c'est qu'on boit plus vite que la chronique quoi. Ouais, c'est ça. Je me retiens parce que... Il reste de la prime. Ouais. Oh, loulou attends, parce que du coup là sur Love... Non, c'est pas du tout celui-là. Ou alors, il y a tout en fait. Un peu tordu quoi. De quoi ouais. En plus, le titre a rien à voir avec... Enfin, t'en dis que rien sur l'histoire et... Je sais pas. Parce que sur la fin, ça ressemble à deux garçons. Enfin après... Où ça? À la fin. C'était pareil. Ah, mais c'était pas des langues, hein. Non, ils ont un organe différent dans la bouche. Hein. Ah, mais je crois que c'est parce qu'il est en train de rêver. Ou... Enfin, oui. Ah non, on critique pas les femmes qui ont les cheveux courts. Hein. Je gueule. Hein. Mais je me désolidarise. Le titre, quoi, le titre parle de lui-même. Il y a des histoires d'amour et des histoires de mensonges. Il y a beaucoup d'histoires de mensonges. Et on sait pas encore. Enfin, on sait qu'il y a des mensonges, mais on sait pas quoi encore. D'accord, oui. Mais donc, ça se trouve, ça sera révélé après que finalement c'est une fille qui est qui est en garçon en fait. Il va se rendre compte du poteau rose au bout d'un moment. Il reste de la Ils se mouillent les boubous. Et bon, bah, dans le dernier tome que j'ai lu, les couples qui sont choisis, donc le mec et sa fille qui a été choisie, la Ririna, ils sont obligés d'assister à une espèce de cour magistrale où il y a plein de gens en couple et en fait on leur diffuse un film porno. Hein? En disant, voilà, ça c'est la théorie, maintenant vous passez dans la pièce d'à côté pour la pratique. Comme ça, direct cash faut niquer. Ouais. C'est bien ça. Oh. Même pas de préliminaire. Ouais. Ouais. Bonjour, je m'appelle Intel. Non, je suis le réparateur. Bonjour, mademoiselle, je suis le plombier. Donc j'essaye d'aller vite pour pas monopoliser la parole pendant 2 heures. Ouais, c'est bon, on approche des 1 heure donc. C'est bon. Déjà ? Ah, mais si, ça tombe toujours dessus, je crois, moi en base. Donc là, on change de registre, hein, puisqu'on n'est plus du tout dans les comédies, même si des fois c'est marrant. On est sur Your Lie in April. Donc, des fois c'est marrant, mais des fois c'est pas marrant aussi. C'est pas du tout marrant. Shigetsu wa Kimi no Uso en VO. Donc, à 11 ans, Kosei Arima est déjà un virtuose du piano, formé par les plus grandes. Avec la plus grande sévérité. Reprends un verre. Par une mère qui lui inflige d'interminables séances de répétition, il écume inlassablement tous les concours nationaux où son talent éblouit les juges. Mais le jour où sa mère meurt d'une longue maladie, il perd complètement la faculté de jouer de son instrument. Victime d'un blocage psychologique, le jeune garçon n'entend plus le son du piano quand il essaie d'en jouer. Quelques années plus tard, son chemin croise celui de Kaori, une violoniste dont l'approche de la musique diffère totalement de la sienne. Alors que Kosei est une véritable machine qui sait restituer les partitions à la perfection, Kaori, elle, préfère s'approprier les œuvres et les interpréter à sa manière. La rencontre avec cette jeune fille au caractère explosif va bouleverser les certitudes de Kosei et redonner un sens à sa vie. On est sur du drame. Ah bon ? Sérieux ? Oui. Ouais. Ça fait pleurer. À la fin, tu chiales comme une merde. Parce que donc voilà, c'est l'histoire d'un pianiste prodige qui est promis un avenir mais brillant et qui voit son destin brisé à la mort de sa mère qui était tyrannique en fait envers lui en gros, mais pour lui le piano c'était sa vie Tu ris, mais on dirait la vie de celui qui est... Comment il s'appelait, celui qui écrivait Conan? Ah, oh, je suis déçu. Conan. Double page, c'est la main. Ah, c'est le même. Le barbare. Ouais. Ah, Howard, non? Howard, peut-être. Regarde, je sais plus, ouais. Et c'est pareil, en fait. Gars, allez. Il s'est suicidé parce que sa mère, elle est morte. Ah oui. Non, là, il se suicide pas. Non, il continue de vivre, mais voilà, il... Ça, c'est la vraie vie. Ça, en perdant un peu ce... Ça fait pas bander, du coup. Non. Ah, là, c'est... Non. Là, c'est du monde, c'est quand même un peu chaud. Ouais, en plus, c'est des collégiens, là. C'est pas... Mais c'est ça qui est bonbon, pardon. Ils sont pas comme Daimond. Et donc, voilà, tant qu'il y a du poil, ce jeune garçon va petit à petit reprendre goût à la vie suite à cette rencontre avec... Le goût de la vie. Avec Kaori, qui est... Une fille, mais qui est explosive en fait, une violoniste qui est une prodige aussi, mais qui est pas reconnue parce que elle interprète les trucs à sa sauce. C'est explosif et plein de couleurs. Standard. Voilà, oui. Mais ça plaît pas du tout aux juges qui sont très très classiques, pointilleux. Très carrés ou très pointilleux. Et donc voilà, ça va être un peu le développement de. Ah ouais, c'est encore un autre style de. De cette relation entre ces deux personnages. Qui voilà et deux autres personnages qui vont graviter un petit peu autour, qui va être l'ami d'enfance de du garçon et le mec méga doué en foot du collège qui va être le petit copain de la violoniste. Le violoneux, est-ce que c'est le violoneux Le violoneux Daniel. Est-ce qu'il a un jean noir, une coupe mulet et une chemise blancasse? Est-ce qu'il y a des scènes de sexe du coup avec des gens bizarres? Non, donc c'est fini, Your Line April, c'est fini en 11 tomes et c'est disponible également en animé sur Wakanim. Et l'animé est très bien. L'animé est très bien. Le seul reproche que je ferai à l'animé, c'est que c'est le côté statique. Non. Toutes les scènes de musique, en fait, c'est des plans fixes avec un défilement, avec un travelling, en fait. Ouais. C'est un grand plan où t'as un travelling et tu vois pas du tout. Enfin, t'as juste la musique. Du... Mains, voilà. Tout ça. Contrairement à un autre animé sur la musique qui est oufissime, les Euphonium. Ah oui, Euphonium, oui. Les Ibiki Euphonium, où c'est vraiment toute une fanfare, et là, t'as 50 personnes de la fanfare, et les 50, tu les vois jouer, d'accord. Mais pour de vrai, quoi. Et c'est ouf, quoi. En termes d'animation, c'est pas le même boulot. En termes d'animation, c'est vraiment ouf. Je sais pas si t'as entendu parler, j'ai pas le nom, par contre. C'est le meilleur manga de la saison en cours, là, pour l'instant. C'est un manga sur le patinage artistique. Mm. C'était la saison d'avant, j'ai pas regardé, c'était Yuri on Ice. Ouais, et à ce qui paraît, c'est animé de ouf. Et... Ouais, il paraît que c'est animé de ouf et que c'est méga ouf, mais je l'ai pas regardé à cause du préjugé du fait que ce soit du yaoi. C'est ça, voilà. Mais par contre, il s'est reçu des très bonnes critiques. Quoi. Ouais, il a des méga critiques et tout. Je le regarderai un jour, mais après, c'est pas du yaoi, mais c'est vraiment, c'est un peu de la romance entre deux personnages masculins. Oh. Et ça, bon, je me suis dit... Pff, ils vont se mettre des gros patins. Ça, voilà. Mais après, c'est animé de ouf. Les scènes de patinage sont animées pour de vrai. T'as des vrais patineurs qui arrivent. Oui, genre le Canadien, ou je sais plus comment il s'appelle. Rogozine. Un patineur canadien. Pas Rogozine, même s'il a fait du hockey. qui se retrouve dans le manga à la fin. Je sais plus parce qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a un tournoi et tout. Et maintenant, un jour je regarderai, mais ouais, il a raflé toutes les récompenses de mes derniers. Ouais, j'ai plus sûr qu'ils en ont parlé, mais... Yuri on Ice, oui, j'en ai entendu parler. J'ai dû le voir sur No Life, j'ai regardé No Life. Et donc, voilà, Shigatsu wa Kimi no Uso, donc les Your Line April, voilà, soyez vigilants, parce qu'à la fin, vous allez juste chialer, ou... Enfin, moi, j'ai pas chialé, parce que j'étais blasé, en fait. Parce que pendant tout le manga, je me disais, ouais, non, ça va bien finir. Ça va bien finir, ça va bien finir. Mais t'as pas lu Happy, toi. Ça va bien finir, et à la fin, ça finit pas bien. Et je dis non, mais non, moi j'ai pas envie que ça finisse pas bien. En fait. Ça, c'est parce que tes couilles molles, t'as pas lu plus tôt. Tes couilles molles, t'as pas lu plus tôt. Je les lise. Voilà. Là, tu chiales, pour de vrai. Allez, il en reste plus que deux. Là, en dernier. Putain, une heure, t'auras fait presque. Oh, bah oui. A Silent Voice. C'est bon. Ça, là, c'est très bon. On est encore c'est sur... très, très bon. Ouais, mais c'est encore différent en termes de traits. Le. Donc Choco, bon, je vous dis pas son Choco, bon. Choco, Choco là. Non, Choco, bon. Choco Nishimiya est sourde depuis sa naissance. J'aime bien le saucisse. Tu le fuis. Ouais, celui-là. Alors, Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayée par son handicap, son père finit par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s'emploie à surmonter ses difficultés, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans son nouvel établissement, rien n'y fait. Les persécutions se multiplient, menées par Shoya, le leader de la classe. Tour à tour, intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Psychologique et puis physique, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. À cet instant, tout bascule pour Shoya. Ses camarades qui, jusque-là, ne manquaient pas, eux non plus, une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner comme seul responsable. Donc, l'enculeur enculé. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le garçon là qui a un peu la tête de du nerveux, qui fait chier un petit peu, qui va toujours être en train de martyriser donc la jeune fille qui est sourde, lui piquer ses affaires, les balancer dans la fontaine, ses cahiers où elle a pris toutes ses notes et tout, lui piquer son appareil auditif qui coûte what million et lui balancer dans lui écraser. Surtout qu'il marche pas. Voilà. Enfin, il marche peut-être, mais ouais, il marche, a aucun effet. Voilà. Elle le change 5 ou 6 fois. Et, à chaque fois, voilà. Hein, c'est du mercure encore sur une jambe de bois. Et donc voilà, jusqu'au jour où elle va changer de, on va changer d'école, et donc ils vont tous se retourner contre lui, et c'est lui qui va subir toutes les brimades que Shoko avait subies jusque-là. Shoko pas bon. Et donc voilà, ce premier tome se concentre beaucoup sur sur la partie où ils sont à l'école. Et donc la partie où il y a toutes les brimades jusqu'à la fin où on bascule sur la deuxième partie du manga où ils sont plus grands, ils sont au collège, lycée. Et donc Shoya, le garçon, va retrouver cette fille pour en gros lui faire ses excuses. Tu comprends qu'entre temps il a appris le langage des signes pour communiquer avec elle, qu'il lui ramène son cahier qu'à l'époque il avait balancé 40 fois dans la fontaine et tout. Et donc voilà, ça va être un peu l'histoire des retrouvailles et du pardon, en fait, d'essayer de... La repentance. Voilà. La repentance, c'est ça. Ça va être ça. Intelligence, ça y est. La rétention. Et donc la suite, c'est attache-moi, non? C'est ça. Non. Sauf qu'elle est sourde, elle peut pas dire le magic word, là, pour être libérée. Donc il la ligote. C'est ça. T'as pas dit le mot magique. Donc ça a été adapté en film. Ça a été adapté en film. C'est sorti en septembre au Japon. Ça va arriver cette année chez nous. Il fera pas un épisode de lui. Enfin, le fromage. C'est extrêmement bien. C'est très très bon. C'est un traitement de la différence par le handicap, en fait. Ce qui est déjà assez rare. Déjà, ouais. C'est très mal abordé. S'il y avait eu Derek, pour peut-être en parler. Zertov pour en parler. Le truc avec les chaussettes là dans le titre là. L'archiduchesse. Les chaussettes. Oui, comment le. Les chaussettes de Napoléon sont-elles reprisées ou ouais. Non, pendant la guerre, qui reprise donc les chaussettes de Napoléon? C'est ça. Pareil, une tranche de vie. Donc c'est scénarisé par Zidru, qui fait souvent des histoires un petit peu bien. Et là, en fait, c'est l'histoire d'une personne qui est déficiente mentale, et c'est sa mère qui s'occupe de lui. Et on vit en fait une semaine type vraiment, et c'est vraiment tout ce qu'il peut faire. Par exemple, à un moment, elle va dans un vidéoclub, elle va dans la section porno parce que son fils aime bien ce genre de film. Mais voilà, c'est juste pour lui faire plaisir, parce que voilà, il voit pas grand monde, il sort pas forcément, donc du coup c'est, on va dire, son petit plaisir, mais ça pourrait être c'est fait comme ça, mais ça pourrait être un peu... pourrait aller dans la rivière et ça peut être un... essayer de pêcher les saumons. Voilà. Avec sa bite. Tout simplement. Ça m'a traumatisé. Désolé, je suis traumatisé. Entre ça et El Tangue. Je pense que je me prendrai dans El Tangue. Ce manga sur un... Non, mais ça, je connais, saumon, je peux déjà passer. J'ai chez moi. Je prendrais bien un saumon aussi. Donc voilà, justement, mais t'es plein d'antibiotiques, et ben maintenant. Une très belle histoire d'amitié au final. Une très très belle histoire. Juste un reproche sur la fin. Le dernier tome, le tome 11, qui est vraiment en deçà du reste de la série. Et le final qui est vraiment un peu cut et un peu. Sans, ouais, j'ai pas vu, j'ai sens. C'est-à-dire que dans le premier tome, là, t'as tout. T'as 90% du truc où c'est petite section d'école et les 10 autres c'est ouais. Le. Ah ouais, c'est ça. En fait, ils servent vraiment d'introduction ouais, et fait le, ils posent le background. Quoi. Ce qu'il faut savoir, dans les, on va dire dans les premiers tomes japonais, c'est vraiment de la mise en place de la situation. C'est toujours. Ça. Toujours. Il vaut mieux. Quasiment rien. Mais non, tu, de toute façon, tu vas rien apprendre sauf si c'est en one shot ouais. Ou en deux tomes. Ouais, deux, mais t'as rien. C'est pour ça. Comme là, il y a la saison 0 de Gun qui sont sortis en début d'année. Le premier tome, c'est quand l'héroïne elle est comme ça. Oui, c'est et ça. Paf, au début du deuxième tome. Ça, Et c'est assez impressionnant. C'est toujours le même auteur qui le fait. C'est toujours le même auteur qui le fait. Il a changé son trait. C'est magnifique. C'est un sacré auteur. L'auteur de Gun. Allez, le dernier. Hop. Il en reste qu'un. 1h04. C'est bon. On va arriver au longtemps. Ils après. Oh! Ah, on fait du porno! Food Wars! Ah ouais! Ah ouais, de la bouffe! Du food porn! La bouffe presque! Ah ouais, non, mais c'est du hentai, monsieur! C'est complètement c'est... ça, ouais! Oui. Ils auraient pu l'appeler food porn au lieu de food porn! Ils auraient pu l'appeler food porn! Donc, c'est les Shokugeki no Soma ou Food Wars en titre international. Alors, Soma Yukihira s'entraîne sans relâche pour accomplir son rêve, prendre la succession de son père à la tête de leur petit restaurant. Malheureusement, ses plans sont bouleversés le jour où son père. Arrête à l'improviste un poste. Faut aller prendre une photo. Pour accepter un poste dans un palace à New York. Soma est alors envoyé à la prestigieuse école culinaire de Totsuki, qui forme l'élite des chefs. Bien décidé à ne pas décevoir son père, Soma va devoir réussir le difficile test d'entrée de la belle et talentueuse Erina Nakiri, la Parce que plus, connue, manches, ce serait plus connue sous le nom de Palais Divin. Préparez-vous. À vivre des batailles de saveurs. Ça fait un angle, tu ferais du porno, ce serait nickel. Ça laisse rêveur. Des batailles de saveurs. Dis donc. Goudidon. Saveur piment. Prends donc mon gros morceau. Bouge à jambes. C'est la même en Amérique. Carotte. Ah merde. Saumon. Saumon, d'accord. Gros cocon. Ça déjà, ouais, tu vois, ça me parle ça aussi. Mais du coup, c'est autant imagé que l'animé. Ouais, ah, je suis pareil. C'est vraiment. Ah, tu vois, là, ils sont en train d'avoir un orgasme. Le gros bêta. Ah, ils ont goûté le plat. Là, ils sont en train de goûter le plat. On est en train de digresser l'anthologie. Ah ouais, ouais. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que ça pourrait s'appeler footpan. Ils ont l'orgasme culinaire violent quand même. C'est ça. Et c'est ça, absolument. Tous les plats, c'est ça, ouais. Tous les plats. Toute la série, tous les plats. Tu boufferais comme ça, mon bon. Chaque fois qu'ils goûtent un plat, ils se retrouvent à poil, ils ont un orgasme. Là qu'ils vont pas bouffer à midi, tu comprends, ils avaient des organes quand ils sont en bouffant, l'équipe à 4h de l'après-midi, ils ont pas repris quoi. C'est une série mais qui est oufissime. Ouais. Je sais pas combien, il y a 15 tomes je crois en cours ouais. En France. Ouais. J'en suis pas encore là, j'en ai lu 5 pour l'instant. Mais j'ai vu deux fois l'animé. Ah oui. L'animé qui est en deux saisons, la première saison c'est une saison double donc c'est 25 épisodes. Qu'est-ce qu'apprend son bain avec un gorille hein. Ouais. Non, elle apprend son bain avec son gorille, c'est ce qu'elle ressent en goûtant le plat du mec. C'est très imagé en fait. Elle est en train de faire passer les tests au mec, donc elle goûte leur plat, je sais pas si c'est une soupe ou un truc comme d'accord. Ça. Elle lui dit ouais, ton plat, mais t'as l'impression de prendre un bain tranquillou, puis d'un coup je vois un gorille, et du coup il balance ça à la gueule, et lui c'est dégueulasse. Bon, je suis pas encore prêt. Il y en a un autre. My body où, is ready. Juste après ou juste avant, où c'est pareil, il est en train de prendre un bain aussi autour d'une, à côté d'une cascade, et juste à ce moment-là, il y a un jukebox qui tombe de la cascade. Logique. Métaphore. Métaphore. C'est ultra métaphorique. La fille, là, le palais divin, c'est ultra métaphorique à chaque fois qu'elle goûte des plats. Par contre, les mecs, ils dessinent super bien. Ouais. Ils dessinent méga bien. Ils ont des pures idées pour les scénars à chaque fois, quoi. Donc voilà, c'est marrant, je m'attendais à voir plus de trucs sur la bouffe quand même. Bon, après je le fais vite fait donc. Ça parle de bouffe, ça parle bien de bouffe. C'est souvent entre les chapitres, t'as la petite fiche avec la recette. Hein. Tu dis bien, faudra que je teste un jour parce que ça a vraiment l'air bon ce qu'il fait. Ça me fait penser dans Silver Spoon. Des fois aussi, mettez les recettes. Les fiches recettes. Silver Spoon. Donc c'est un manga, c'est quelque chose d'ultra connu, c'est pas tout nouveau. comment il s'appelle le mangaka là qui est mort il y a pas longtemps? Taniguchi. Truc sur la bouffe. Jiro. Taniguchi. Ouais. Jiro Taniguchi avec le gourmet sonore. Ah bah je savais bien qu'on allait arriver au tentacule. La oui, tante. Oui parce en que. En tout cas la tante a cul. Le héros donc. Bah c'est sûr. Soma, il sait très bien cuisiner, il sait faire des très très bons plats. Avec son père aussi ils ont des délires à faire des trucs absolument dégueulasses genre des tentacules de calamar grillé avec du beurre de cacahuète. Et donc, bah là, je vois pas le beurre de cacahuète, mais je vois très bien les tentacules. Voilà, et donc, quand il mais fait. Tu vois le jukebox quand il fait, c'est le beurre de cacahuète. La fille, elle a l'impression de se faire violer par des tentacules à la au beurre de cacahuète. Ça veut dire que c'est trop fort le beurre de cacahuète. Ça fait violer. Et bien, ça fait un sacré panorama quand même. C'est... Mais du coup, moi j'ai une question. Je me dis, j'y connais rien en manga. Voilà, bon, tu nous en as présenté 2, 5, 7, donc ça fait 8. Le mec qui connaît rien ou qui a très peu de culture manga, oui. À travers ses animes, par quoi il peut commencer Peut-être par des trucs un peu plus simples. Bah, genre pas le truc qui fait chier. Des trucs avec des robots géants qui se battent. Mais voilà, le mix action. La base, les Hunter x Hunter, les Full Metal. Hunter x Hunter, ça moi j'ai envie de dire, commençons par le début. Akira quoi. Moi j'ai des mecs avec des motos qui se battent et tout. Ouais. Je commençais le manga, bien, j'avais 19-20 ans. Déjà, comment tu y viens au manga? Akira. Non, mais comment est-ce que t'es déjà venu dans un manga? Qu'est-ce que c'est qui t'y amène? Je veux dire, c'est la culture du Japon, parce que le manga c'est purement japonais. Ouais, pas spécialement. Moi je suis venu parce que j'avais récupéré. Il y a des mangas maliens aussi, mais. Comme ça, via un disque dur d'un pote, j'avais récupéré les Full Metal Alchemist. C'est qui se passe dans ouais. On m'en avait beaucoup dit du bien, j'ai dit bon, bah un jour je vais quand même les regarder. Je me suis mis à les regarder, j'ai trouvé ça super bien et tout. De l'animé, je me suis mis à lire le manga Full Metal Alchemist. Et puis j'ai enchaîné sur d'autres trucs. Bah, c'est lui d'abord qui m'a conseillé. Avec un autre pote, avec Romain, qui m'avait conseillé également. J'avais lu j'avais fait les Death Note et d'autres trucs qu'on m'avait conseillé, les Lovina par exemple. Et petit à petit, voilà, je me suis fait ma propre culture, ma propre sensibilité par rapport au manga. Enfin, je sais que les trucs où les gens ils s'attachent. Les trucs, les romances shonen, je sais que c'est pas du tout son style. Moi, par exemple, ouais, voilà, au début, j'avais commencé à conseiller Gabi, mais on lit plus du tout la même chose. Voilà, je sais que lui, il est pas du tout client de la romance shonen, enfin des histoires d'amour, mais. La rom-com. Voilà, des rom-com. Je dois en acheter que autant que Asto, mais on n'a aucune série en commun. Alors moi, j'en achète autant, mais je lis pas. Parce que... Alors que moi, je suis le toi, les pages, elles sont collées, non, c'est ça. Oh, ouais, il nous en a ramené des trucs. Hein. Vous avez ramené? Bah oui, il nous en a ramené des trucs avec des pages qui collent. La fille sont à la plage, la fille de la plage. Oui. La fille vache. La fille vache, la fille avec le chien, la fille tronc. La fille tronc, c'est délire. La fille tronc, c'est délire. De 8 ans et encore, oui. C'est pas sûr. Oui, putain, c'est japonais. C'est on peut pas juger. Bizarrement, mon histoire favorite, c'était celle qu'avait eu Chambal dans. Quand je vais chercher des bouquins ou des trucs comme ça, t'échappes jamais au rayon BD ou manga où c'est classé. Enfin, je vois, depuis le temps que je vais chercher des bouquins, les rayons manga n'ont fait qu'évoluer. Ouais. Et du coup, je me dis, toi qui n'as jamais lu le truc, comment tu fais pour te repérer le premier, comment ne pas être déçu sur le premier achat que tu fais? Après, ça va dépendre aussi de ce que tu cherches. Tu cherches de l'action, de l'aventure. C'est la même chose par rapport aux films, aux musiques, aux séries. Je fais le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que généralement, les premiers tomes, comme tu disais, ils te posent un background, ils te font un début d'histoire. Toi, généralement, quand tu attrapes le premier, tu regardes l'histoire. Ouais. Si tu sais pas que dans la construction des séries, le premier sert juste à poser et que derrière ça va évoluer, tu peux te figer sur un truc et dire tu ne peux pas me plaire et tu peux peut-être passer à côté d'autre chose. Tu vois, le problème c'est comment bien se repérer ou comment bien se faire conseiller pour trouver le style qui va te plaire. Enfin, trouver la série qui va convenir au style qui te plaît. J'ai envie de dire, il faut voir avec ton libraire ou le mec qui vend dans les espaces culturels et compagnie. Tu dis voilà, on voudrait m'y mettre. J'aime ça, ça et ça, ce que tu aimes dans les films, les séries, musique. Est-ce que vous avez quelque chose qui peut s'y approcher? Et tu testes en fait, t'es obligé de passer par ça pour voir. Ah, ouais, j'aime plus le côté histoire, j'aime plus le côté, on va dire, dessin, l'histoire, je m'en fous. Adastra, t'achètes direct, si t'aimes l'histoire, t'achètes Adastra direct. C'est ça, c'est comme la question. On peut reprendre l'exemple de l'attaque des titans. Oui. Qui est marche. Hyper bien, l'animé est hyper bien, mais les dessins du manga sont à chier. Ça m'a déçu. Effectivement, c'est ce que je disais, ça m'a déçu. Autant j'ai adoré l'anime, autant au niveau graphique. Ah, le manga, c'est le premier, ouais. Ah non, mais le premier où t'as un mec qui a le cou qui est tordu, limite, comme ça, alors qu'il tourne la tête, fait... Ah ouais, non, mais là c'est pas possible. Je pose le livre. L'histoire est intéressante, mais tu poses le livre parce que. Et là tu repenses et tu te dis, putain, j'ai vu des comics de films mieux dessinés. Oui. C'est pareil, on voit que les styles graphiques évoluent aussi, enfin, diffèrent d'une série à une autre. Est-ce qu'il y a différentes écoles de manga? Oui, après tu vas avoir. Il y a deux écoles. La bonne et la mauvaise. Après, ça, les personnages et tout. Parce que t'as les styles, on va dire, purement parodiques. Où là, ça va être très minimaliste, les dessins sont pas forcément bien faits, parce que c'est plus le gag qui prime que sur la qualité du dessin. D'accord. Et t'as d'autres trucs, par exemple, on va prendre les Bakuman, où autant... Il y a Takeshi Obata, il y a le reste. Ouais, en fait, t'as ceux qui ont fait les dessins sont super bien. Ouais, d'accord. La suite, et la série d'après qu'ils ont fait, c'est Bakuman. Mmh. D'accord. Donc autant niveau histoire que dessin, t'as quasiment rien à dire. Ouais, c'est soit t'adhères, ouais, mais peut-être pas, ils sont peut-être derrière. Mais double étagère. Voilà, c'est pareil, Death Note, à part que c'est peut-être trop verbeux, c'est le seul reproche qu'on peut dire à Death Note, pour la première partie, parce que la deuxième, elle est un petit peu moyen aussi, donc du coup, ça fait deux reproches, mais t'as rien, quasiment rien acheté, en fait. Ouais. T'as le dessin, l'histoire, tout est bien. C'est impressionnant. Donc, t'as le style qui colle avec, tout va bien, voilà. Il n'y a rien acheté, quoi, quasiment. C'est le monde de son Uchu, qui était sorti l'année dernière, qui avait marqué, moi. C'était un truc en deux temps, où les héros savent qu'ils sont dans un manga. Ils savent que c'est des personnages d'un manga, en fait. Et le manga est quand même, du coup, il est assez oppressant, parce qu'ils savent que le lecteur, il est en train de le lire, qu'il voit ce qu'ils font. Ils sont à la douche, ils sont en train d'inventer des stratagèmes pour détourner l'attention des lecteurs pour qu'on voit autre chose que la fille qui est sur la douche à poil. Ouais. Et du coup, t'as les dessins qui sont aussi super sombres, très en noir, très super appuyés et tout. Et j'ai trouvé le manga super oppressant. Mais c'est une forme de littérature qui est quand même aboutie. Au niveau scénario, ça doit être traduire et tout. T'as des mises en abîme, il y a toujours des trucs, des passerelles entre le dessin et le texte. Un manga en deux tomes qui s'appelle Opus, où justement t'as une mise en abîme comme ça, où c'est un auteur de manga, un mangaka, qui perd une planche, mais en fait qui a été prise par l'un des personnages de son manga. Satoshi Kon, quoi. Ouais. Ses films sont magnifiques. C'est Inception ton truc. Ouais, c'est, graphiquement c'est hyper beau aussi. T'as l'histoire qui suit. Donc t'as vraiment, en fait, les écoles, ça dépend en fait de ton point de vue. Parce que moi, tu peux adhérer tout ce qui va justement ces méta, parce que t'as de la mise en abîme, le mec, il sait qu'il est, que les personnages ont piqué sa planche. C'est un truc que tu dis, ouais, d'accord, ça veut dire qu'ils ont conscience que je fais quelque chose pour eux, en fait. Ouais. T'as un niveau de lecture, donc après, c'est... C'est des mangas d'intello et des mangas de bourrin. Et des mangas de bourrin, quoi. Il y a des mangas que tu poses, c'est ton cerveau, je retrouve l'ami que j'ai vu. Ouais, le mec qui joue au foot, c'est ça. Il y a deux écoles. T'as Berserk. Autant que scénariste. Aussi, où c'est un truc qui est un petit peu critiqué pour certains... Bien bourrin. Choix scénaristique. Pas vraiment besoin de ton cerveau. Tu lis, t'enchaînes les pages. Après, tu adhères ou pas. C'est quand même super bien efficace. C'est bien construit. C'est ça, magique. Ouais, mais tu vois, franchement, je regarde pas des données, ne serait-ce que pour ça. Surtout pour Attachement. Ah, mais Attachement, c'est le petit péché mignon, Attachement. Ouais, tu vois, si tu veux. Elle est gonflée. C'est marrant. Elle a des seins comme une maison. Vous attendrez ça ce soir, parce que. Du coup, on va réorganiser les chambres ce soir. Non, mais moi ce soir, je dors dans la chambre là. Voilà. Alors. Non, il n'y a pas moyen. On a déjà le sopalin sur la table. Vous avez les câbles. Non, l'autre il a quand même repéré les câbles. Hein. Ah, sur AliExpress. Dans la suite, il y a du bondage avec des cordes, mais il la prépare bien sa corde avant de faire du bondage. Ouais, il fait des bons nœuds, hein, j'ai vu. Fait des bons nœuds, il était marin. Il en a toujours un sur lui. il fait des bons nœuds aux beaux endroits en plus, surtout. Ouais. C'est tout pour moi. Est-ce qu'il a du bagage? C'est bien. C'était très intéressant, merci. Ah bah du coup maintenant malheureusement on va partir à la partie un petit peu chiante. Elle veut toujours l'enculade de monsieur Gordon qui nous fait un dos quiz. Il aurait dû faire un quiz là, mais bon. Non, là c'est un vrai quiz. C'est un vrai quiz. Oh, quiz. Finalement c'est un vrai quiz. Oh, mais putain, oui, c'est l'autre, merde. C'est bâtard. Ah. Bah du coup bah on va. Bonne goûter. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Alors, trou de balle ou pas trou de balle? Alors, ça dépend si on le voit. Ah, merde, ça dépend, on t'a déjà dit. Ça dépend si on parle le foot. Putain, c'est qu'il est passé le truc. Ah, c'est bon. Ta feuille. Ça dépend si physiquement non, métaphoriquement oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que je sais sur quoi c'est donc. Et puis je vais des espèces de tâches que j'ai mangé. Ah non, mais bah, pas je crois que la réponse est dans la question. Alors c'est métaphorique parce que en fait, et heureusement qu'il a bouffé le tas de paroles. Ah bah, ça tombe bien, voilà, une heure. Ça a des minutes. C'est ça. J'ai 10 minutes, ça va, ça a le temps. Donc, en c'est fait, bon, t'es large. Donc en fait, on a... Non, on veut pas savoir. Il y a qui a disparu déjà. Il a entendu 10 minutes, il s'est cassé quoi. C'est ça. Alors, vous savez que là on est au mois d'avril. Mais pas maintenant. Oui, pour, ouais. Oui, oui, on est au mois d'avril. Ah, oui. On se découvre pas d'un fil, tout ça. Ouais. On est à peu près le 20. Hein. Ouais, ou le premier, je sais pas encore. Ça, Donc, en fait, bientôt, on va se faire sodomiser. En fait, même pas. On va voter. on a la possibilité, alors, si on a plus de 18 ans. T'es content de le savoir. Hein. Paraît que ça fait un peu mal la première fois. Mais on a la possibilité. Ça dépend, faut demander à sec ou pas. Si c'est pas à sec, ça peut aller. En avril, moi, je me découvre pas d'un fil. On a la possibilité de savoir pour qui. Qui c'est qui va nous sodomiser? Parce qu'en fait, c'est bientôt les élections, bien évidemment. Donc, thématique, politique. Les slogans politiques. Et donc, je vais essayer de vous faire deviner. Et là, Tocheux, il regrette. Le mec a pas dû écouter mes podcasts. Ça fait... il ouvre une autre bouteille. Eh ben, vas-y, fais comme chez toi, Kiki. Bah, bravo. Fallait bien faire le c'est choix. Ça, c'est, ce premier épisode va être bien plus long que je ne pensais. Oh, bien évidemment. Là, tu demandes à un aveugle s'il veut y voir. C'est une blague. La question se pose pas quoi. Ça va être dur. Alors, du coup, qu'est-ce que t'as ouvert hein? Oui, vas-y. Oui, j'ai ouvert une bière de Rab. Alors, en fait, c'est une belle rose. Bière blonde extra qui vient du Leclerc de Albi. Ah ouais, je connaissais pas. On va goûter la bière de Leclerc. Je connaissais pas. Goûter. Voilà. Ça fait 6,5 degrés et il y a une pin-up sur l'étiquette. Ah. C'est classe. Merci. L'info pour tout le monde. C'est beau. Merci. Tu digères bien ton gingembre, toi? C'est beau quoi? Oui. T'es sérieux toi? Ah non, t'es toujours sur, il sur l'autre. Gingembre. Moi j'ai toujours ce gingembre. J'ai pas goûté, mais. Toujours avec son gingembre. Tu vas voir la tricule qu'il va avoir ce soir en fait. Il va démonter le lit. Mais ma gueule, on va voir la fanfare. On va le mettre au SM aussi, Limerick. Attache-moi, deux. Attache-moi, saison 2. Attache-moi, je vous déconseille l'OAV de Attache-moi. L'OAV, c'est quoi l'OAV? Original animé vidéo. En gros, c'est une hors-série, si tu veux. Ouais. En fait, ils ont fait un one-shot de. Un animé de 25 minutes où en fait, c'est un condensé de 40 000 épisodes. En fait, c'est ça juste super. Tout le monde se des enchaînements de scènes de SM, mais en fait, c'est super moche, c'est super bien. C'est super. C'est vraiment, il est vraiment à chier. Je l'ai regardé et je me suis fait chier. On parle des élections là. Un tout enchaînement de scènes de Mazo, quoi. En 20 minutes, 5 ans. C'était le grand débat, ça. Ça, c'était le grand débat, non? Ça, c'est parce que c'est raccord. Donc, en gros, grosso modo, je vous ai ramené des slogans politiques. Il faut essayer de déterminer qui c'est qui l'a dit. Mais ça risque d'être un peu compliqué, vous allez rire. Parce que là, c'est véridique ou... Si c'est en allemand, c'est des nazis. D'accord. C'est des véridiques. D'accord. Ça, t'aurais pu faire des mixtes. Des quiz à la Asto, tu vois, tu mixtes plusieurs trucs. C'est un mashup, un mashup de... Alors j'en ai pas mal de français. Elle est bonne. J'en ai pas mal de français et j'en aurai deux anglais à la fin, pour 4 anglais pour vous faire rigoler à la fin. Ah, ok. Donc le premier, c'est, attention, du sérieux, du solide, du vrai. Bah vite. Attention, du sérieux, du solide, du vrai. Oh, Mélenchon. L'apéro original. C'est plus vieux que 3-4 personnes déjà. De Gaulle. Ah, ça, ça veut dire que c'est entre, ouais, entre nous, quoi. Genre Raymond Barre, un truc comme c'est ça. C'est ça. Oh, Raymond Barre, alors solide. Mais c'est pour ça, il est tellement gros. Il a pas été élu. Comme disait Coluche, comme disait Coluche, Raymond Barre n'a du mal à en faire le tour tellement il est gros. Wow. Le président qu'il nous faut. Jacques Chirac. Chirac. Mais oui. Ouais. Jacques Chirac, le président qui mangez des pommes. Bah, vous notez des pommes. Quoi. Pommes, c'est bon. Oh, c'est comme ça, tu sais. Ça, ça, c'est de 81 déjà. Parce qu'on voit que Chirac, il a galéré longtemps pour l'instant. Bah, c'était 81 ça. Ouais. Putain, même à 5 ans, j'étais déjà marqué par ces conneries. Avant, c'était 80. 81, c'était l'âge 80, de la force tranquille. Ouais. La force Jedi ou pas? Ouais. The force tranquille. The smooth The force. Quiet force. La force, elle est smooth. Avec Santana derrière. Il faut. Il faut un président à la France. Ah bah oui. Hey. Alors là, ça c'est pas Sarkozy. Je suis d'accord avec c'est lui. C'est Dupont-Aignan. Non, ça. Exactement la même année, 1989. Ah, c'est ouais, pas Dupont-Aignan. On est à la France. Oh, Le Pen. Non. Il était pas déjà là. Il y avait quoi? Il y avait Giscard. Badinter. Voilà, c'est Giscard. Valérie Giscard d'Estaing. 1989. Au revoir. Mais je m'en fous. C'est Balladur. Présider autrement. Hollande. Allez, les écolos, c'est ma mère. Non, présider autrement. C'est pas mieux ça en plus. Non. Non, pas tant que ça. C'est drôle parce qu'il s'est vautré. Bah, de toute façon, il n'y en a qu'un qui sort. Ah bah, c'est Bayrou. Non, mais il s'est vautré bien. Ah, Jospin. Ouais, Jospin. Voilà, Jospin 2002. C'est marrant, on gardera que sa gamme. Là, au moins, il a été battu, on l'a plus revu. Je dis ça, je dis rien. Eh, pour une fois qu'il tient sa parole. Quoi qu'il y ait un moment, il était limite, hein, quand même. Maintenant. Ah, comment ça a arrivé? Tu vois, je voulais vous dire, de temps en temps, il y a des gags dedans. Parce que, a posteriori, ils sont très drôles. Maintenant, il faut un homme de parole. Fillon, je m'en envie. Hein Sarkozy, le père spirituel. Pas le père. Pas quoi Presque. Google. Non, un peu moins quand même. Ah, Madeleine. Non. Toujours 89. Hein. C'est que des candidats à la présidentielle. Pas loin. Non, mais, pas loin. Chevènement. Ah, t'es pas loin. 89, on l'a déjà cité. Robert U. Ah, 81. On l'a déjà cité. Faites un avec nous plusieurs slogans, vous allez voir. Il y en a qui étaient inventifs dans la campagne. Ah, mais Chirac. Non. Chirac. Chirac, ouais. Chirac, hein, mais lui il a la palme. Il faut un homme de parole, bien évidemment. Il faut. Bah, il l'a dit, il l'a fait. Hein. Alors là c'est pareil, là, c'est du 2002. Crac. Si vous retrouvez qui c'est balèze hein, parce que. Le Pen. Non. Poutou. Pour enfin faire bouger la France. Dupont-Aignan. De France en mouvement, Besançon. Non. Ouais, Besançon, ouais. Si vous Arlette Laguiller. 2002, tu as dit? Ouais, si vous devinez qui c'est, je sais même plus qui s'était présenté. Cheminade. Philippe Poutou. Non, Cheminade, il n'était pas en 2002. Non. Ah, celui qui était avant Philippe Poutou. Attends, non, Taubira non plus. Allez, indice. Ah, ça fait 15 ans, hein. 2002, elle était encore. Ouais, c'était présenté aussi. Là-bas, dans ses îles, pour, ouais, où elle n'était encore que sénateur ou un truc comme ça, je crois. Non, mais il y a une année où elle s'est présentée. Ouais. C'est ça, alors attends, 2002, ça fait quoi? Ça fait 15 ans. Bah, c'est. C'est un homme de centre droit, centre droit. Bérou ? Non, à Alain. Madeleine. Ah, attends. Madeleine. C'est ça, Alain Madeleine. Ouais, mais oui, celui-là. Ouais. C'était quoi son champion, là, remarque ? Donc, c'était son. Pour enfin. Pour faire enfin bouger la France. De toute façon, tous leurs slogans, tu peux les prendre, ils veulent tous dire la même chose, mais ils sont vite de sens, ça. C'est ça. Alors, celui-là, attention. Réponse de vitesse. Ah. Ensemble, tout devient possible. C'est Sarkozy, ça, Sarkozy. Ouais. Ah, où Sarkozy, ouais. 2007. Il a été élu avec ça. Petit, C'est étalonné, je ne voyais pas. Ouais, c'était vrai. Le changement. C'est maintenant. Non, c'est ici et maintenant. Bah, c'est pareil. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une reprise. Alors, je sais pas qui. Ici et maintenant, c'est un truc d'anarchiste avant. Peut-être, mais ça a été. Bon, ça a été qui l'a donné? Parce que forcément, Hollande, si je vous dis ça, voilà, Hollande qui a étudié en 2012. Forcément, c'est que ça a été repris de qui? Ah, de. De Gaulle. Bon. Non, bah non, Sarkozy. Mais non, le père spirituel. Azerto, il dit De Gaulle à chaque question. Oui. Il dit le père spirituel. Bah, De Gaulle, il dit tout à Si De Gaulle est le père spirituel de la gauche. T'as pas essayé de répondre Doctor Who encore? Ah, bah non, mais il est pas. Obi-Wan Kenobi. C'est pas le thème. Comme quoi, les socialistes, ils en ont retourné quand même sur plusieurs générations. Ah, bah, c'est plus la veste, ils ont jeté. Mais oui, c'est dans le retourner. Celui qui a voté Mitterrand sur ce slogan-là. Ah, il peut se tailler les veines avec une enveloppe lui aussi. Je sais plus si c'est Manda qu'il est mort. Ça. Il est mort en quoi, en 96, 97 lui? Ouais. J'étais dans ma deuxième année de BTS. Après, au nom du peuple. Oh, c'est un peuple de gauche. Tiens, ça sent le Besancenot ou... Alors, Arlette, hein. Krasugi, c'est extrême, je dirais. Ouais. Arlette la gauche, c'est soit à droite, soit à gauche, mais plutôt à gauche. C'est Jean-Marie Le Pen. T'es pas loin. Marine. Ah, bah... C'est Marine 2017. Ah, ouais. Ah bon. Ça fait partie de la campagne. Au nom du... C'est le maintenant. Ouais. 2017. C'est ça. C'est maintenant ça, au nom du peuple. Ouais, ça fait partie des trucs qu'ils utilisent. C'est pas la France au français. Non, ça c'est la. Vous verrez qu'il y en a un qui va vous faire extrait de ce genre-là qui va vous faire. Il y a la variante, c'est la Flandre au flamand. Je te jure, la première année que je suis arrivé à Dunkerque sur le pont qui. Un pont qui sépare avec un transformateur électrique juste à côté qui te sépare Dunkerque de Coudekerque-Branche. Il y avait marqué la Flandre au flamand, les Français dehors. Et là, enculé, t'as 6 ans, tu fais, mais il s'en fout. La France en plein vent, quoi. Ah ouais, non, c'est. On a des bons aussi là-haut. Nous irons plus loin qu'ensemble. On se voit. On ira tous au paradis. C'est. Merde, comment il s'appelle? Nous irons quelle année plus loin ensemble. 88. 88, oh ouais. T'étais pas né? Attends. On est tous nés. On est 90. Attends. Je vais me prendre un coup de vieux là. Ah oui, c'est pour ça que il est déjà dans c'est Mitterrand. Non, il est déjà dans notre classement. Rocard, Chirac. Ouais, c'est ça, c'est Jacques Chirac. Encore? C'est Chirac. J'ai une fascination pour Chirac. Moi, je m'insurge, si c'est une émission de droite, je me casse. D'ailleurs, si c'est de gauche aussi. Il y a que lui qui est de droite. Ah, mais il le dit bien, j'ai l'impression. Il est pour Mélenchon, il a l'air de Mélenchon. Comme disait Coluche, je voterai bien à gauche pour mes idées, mais je préfère voter à droite pour mon argent. Alors là, sketch, un président jeune pour une république moderne. Ah, ça, c'est un vieux. De Gaulle. Non. Ça doit être un truc genre Bérou, mais il y a un moment, non? Non. C'est pareil, un qui a galéré avant d'y arriver. Dupont-Aignan, Cheminade. Un qui a bien galéré avant d'y arriver. Non, c'est qu'il y est arrivé. Besancenot? Ah, mais il y est arrivé. Il est arrivé pour de vrai. Sarko? Non. Eh ben, Hollande. Flamby, Hollande. Non. Quelle année? 65. Oh, ah ouais, bah d'accord. Bah, c'est, c'est Mitterrand. C'est Mitterrand, c'est ça. Vous voyez qu'à l'époque, il le croyait jeune. Le président jeune. Ah, vous allez pouvoir sortir vos meilleurs. C'est pareil, si tu ressors les dossiers à Mitterrand, enculé, il a pas d'égo, celui-là. Quand tu regardes d'où il sort, cet enfoiré. Tous, hein. Je sens que je vais me faire des copains en venant ici, moi. Quand il est arrivé, ils sont un peu. Je l'ai fait exprès, quand on aime bien rigoler. Ah ouais, putain. Alors, je vais où. Croire en la France. Moi, ça, c'est extrême droite. Oui. Croire en la France. Pareil, un qui s'est vautré. Qui s'est vautré vilain aussi. En quelle année? On va dire qu'il s'est fait poignarder 95. Bien. 95, ouais. Il s'est fait bien poignarder. Par un copain. Ah ouais. Ouais, bah de toute façon. C'est toujours comme ça. Mais vraiment, 95. Le copain, tu sais, vraiment, il lui mettait la main sur l'épaule. Tu vois, c'était vraiment le vrai copain. Et... Bah c'est Balladur. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais. Je voyais que ça. Pauvre Coco, va. Il s'est tellement fait trahir Balladur. On devrait écrire un manga sur Balladur. Et notez qu'il y a un manga sur Mélenchon. C'est vrai. J'en ai entendu parler, oui. Qu'il a alors, un manga, un hologramme, il a. Eh ben, attends, c'est le futur. C'est le candidat des geeks. C'est le candidat des geeks. Il a un podcast. T'as vu que ses vidéos. Un jeu vidéo, il saute sur des gens. Mais non. Tu rimes, il y a une vidéo où il commence sa vidéo, il fait. Vous avez vu notre nouveau générique, il est swag. Oh ouais. Après, il parle de BD d'Angoulême. Il parle d'Angoulême pour la BD. Et après, il dit. Mais oui, après, il dit ouais, je suis allé à. Ah, du coup, en allant à Angoulême, je suis allé voir les salons de jeux vidéo et tu le vois en train de jouer à l'Oculus VR au jeu où faut grimper là de Crytek là. Il joue à ça. Je dis putain, mais j'ai montré ça à ma soeur, elle reste là. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je vous l'ai pas dit, mais il arrive après. Et c'est très bien, on va pouvoir parler de la 6ème République. Moi ça me va très bien. Quand tu veux. Pour le 3ème opus là. Quand tu veux. Bah, il va arriver comme. En jetpack. Hashtag c'est moderne. Entrée badass avec des explosions et tout. C'est ça, il sort par la cheminée. Et les Japonais, il va toquer au volet. C'est pas le vent. Là, si vous vous en rappelez aussi, c'est Pépite, ça en avait bien rigolé. Le candidat des maires. Des maires du sud. Les maires MIRE. Ça c'est un mec du sud-ouest. Ouais, mais je sais plus qui c'était. C'est un mec du sud-ouest, ça. Ouais. C'est de quelle année, tiens? C'est 2007. Oula! Putain, mais je commençais déjà à. Comment s'appelle le mec? C'était avant Poutou, quoi, mais c'était. Mais alors, Poutou, c'était Poutou, mais arrêtez de. Arrêtez avec le mec là qui est maire et qui est berger là, comment il s'appelle? Le centriste, un peu frappadin. Celui qui est du côté de Lac? Pau Lac? De Pau, ouais. Ouais, La Salle. C'est lui? Non. C'est non? On a Mirko l'avait eu à l'époque. Parce que lui, à l'époque, le mec est un peu frappadin. La Salle. Parce que les maires avaient fait un communiqué du coup. Il est pas élu, hein. Je vois pas, ouais. C'est Gérard. Le Normand. Le Minade. T'as, il prend cher, lui. Chivardi. Chivardi. Chivardi, ça me dit quelque chose. Oubliez celui-là. Enculé, ouais, putain. Ça, ça avait été aussi un beau. Alors là, pareil, mon ego est sorti transformé, Génération Mitterrand. Bah, putain. Ouais, tout simplement. 88. Mitterrand 88 avait titré Génération Mitterrand. Je me rappelle. Modestie, quand tu me dis. Je me rappelle de ça, moi. La modestie, elle s'est fait choper dans un coin de ruelle. Elle s'est fait sodomiser aussi. Comme tous les Français. J'ai mal à ma modestie. Hein. C'est, j'aime bien, finalement, ce podcast où on chie sur la gueule à tout le monde. Ça me va très bien. Toi, c'est à peu près comme c'est l'été en fait. Hein. Ouais, ouais. Alors, en fait, moi j'ai juste à être nature. Là, c'est pareil. C'est... Sauf que maintenant, je peux le dire, c'est pas mon podcast. Ça va. Là, pareil, vous allez sentir qu'il y a eu de la perspicacité dans l'œil de la personne pour que ça change fort. Oh, ça va changer très fort. Ah, c'est ça le. Ouais. Ça change fort. Pareil, il y a eu un certain outrage. On va dire un peu. Tout en finesse hein, ou il a continué à faire dans le fort. Ah, c'est non, pas président. Non, mais dans le. Dans c'est Roger Spen ou. Ah, non, non, on l'a pas eu dans le quiz. Ah bon, putain, pourtant on a cité un paquet hein, de Clodo. Et pour une fois, on change quelque chose d'important quand même. Ah, c'est une femme. C'est Golan voilà. Royal. Voilà. Hey, il manquait la touche féminine. Ah ouais, c'est ça, c'est comme quoi elles sont pas exemptes. Hein, comme quoi elles sont pas exemptes non plus, elles ont la parité, hein. Elles disent autant de conneries que les hommes. Allez, ça c'est fait. Non mais ouais, je prends pour moi les gars, vous inquiétez pas, c'est pour moi. C'est moi qui offre. Non, mais je connais un peu plus. Je combien j'avais je d'abonnés moi avant. Tu vas être là au podcast. L'avenir en commun. Oh, ça c'est du coco, non? Ouais, c'est Mélenchon. Ouais. Bah, Arlette, ça. Hein. Quelle année? Ah, j'ai hésité, j'ai failli dire la guillère. Cette année, tu vois. C'est 2017. C'est cette année? Ouais. C'est non, bah, le programme, oui, c'est Mélenchon 2017. Putain, ça m'a pas marqué, tu vois. Pourtant, j'ai regardé ce qu'il avait écrit et tout, et ça m'a pas tilté. Hein, ouais. Comme quoi. Et là, attention, pareil, là où on a eu droit à un nombre de sketchs incroyables et qui étaient très bien, la relève. Macron! Bah oui. Batman. Oh putain, Batman la relève. J'adore. Ah oui, pas mal, pas mal. Attends, Miguel. La relève. La relève. Moi, les remettre. Il y a pas Bayrou. Le Pen, c'est ça. Bayrou. François Bayrou. Ah Bayrou. Première. Attention, un dodan. C'est ça, voilà. Avec les bus au Colza. Attention derrière toi. Le bus au Colza qui ne peut pas rouler à plus de 30 km/h. Attention, un dodan. Attention, un dodan. Le Roméo de la mer en royal. C'est ça. Ah ben non, j'ai remis deux fois. Ça, c'est bon, je saute du coup. La paix et la sécurité. Le Pen. Oh, là, ça c'est de l'extrême droite. Ça sent du Le Pen, ouais, ça, non pas, ouais. Pas du tout. Ah, pas du tout. Extrême droite. Sécurité. 74. Oh. Oh, oui. Là, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, on a dit quoi? On a dit Giscard, on a dit Mitterrand. Il était pas à la guerre, quoi. Il était là. Du royaliste. À noter que dans le. Je crois que c'est dans le Haute-Garonne, il y a la ville de d'Estaing ou je sais pas quoi. Oui. Non, il y a la ville de Giscard, ou je sais pas quoi. Estaing, c'est dans l'Aveyron. Ouais. C'est ça, et il peut y aller d'Einstein. Il a un château, il a acheté un château là-bas. Ouais, pas mieux. Bon, on va laisser la scène. Debout la République. Sinon, je suis passé par Saint-Germain. Ne mets pas tes tétons dans la graffeuse, tu risques de te faire pincer. Très très fort. C'est du poignant. C'est du poignant. C'est du poignant, ça, non? Ah, du poignant, mon préféré. Ah, le sketch est là, ça y est, il est arrivé. J'avais la barre aux lèvres à l'intendant. Cheminade. Non, l'outsider défendant nos couleurs. Ah, ah. L'outsider défendant nos couleurs. Je sais pas, mais ça pue. Je sais pas ce que c'est, mais. Si tu verrais l'affiche, quand tu dirais ça pue, tu l'enlèverais peut-être. Parce que... c'est quoi déjà le titre? Défendant nos l'outsider couleurs. L'outsider défendant nos couleurs. Louis Alliot. Non. Anus. 88. 88? Jean-Claude Anus. Oh non, ça sent le petit Roquet à Le Pen, là. Comment il s'appelait l'autre? Ah ouais, oui, je voulais qui tu parles là. Maigret. Maigret, Bruno Maigret. Oh, t'es pas loin. Des royalistes ou un truc comme ça, non? Les royalistes, non, non, plus simple que ça. Ah ben l'autre, le plus du fou, c'est là. Ça, non, c'est ça, tout simplement. Ah mais ça me paraissait tellement évident que ça pouvait pas être lui. C'est quoi son nom? En fait, t'as Jean-Marie avec sa photo, avec un petit noir à côté, et il y a marqué « Défendons nos couleurs », avec des chevaux derrière. Ouais, c'est beau ça, « Défendons nos couleurs », avec un petit noir à côté. Ah non, mais j'ai jamais entendu de ma vie, quoi. Quand j'ai vu cette affiche, ça, ça me rappelle rien du tout, tu vois. C'est du génie, je me suis dit. Comme quoi, la mémoire est sélective. 2017, attention, épreuve de vitesse, José Bové. José Bové. Voilà. On avait oublié lui aussi, hein, qui s'était présenté. Il se présente pas. Oui, il s'était présenté en 2017. En 2007, pardon. Ah ouais, ouais, parce que t'as dit 2017, j'étais là, aux Ébovés. 2007, il s'était présenté. Hein. Il a vu... aux Ébovés. Ouais. Le Pen. On ne recule plus. Comment vois-tu? Oh, bah, c'est Macron, en marche. C'est un homme de droite. On va dire que... Ouais, Macron. Il a... C'est vrai, pardon. C'est bon. On va dire qu'il a eu une certaine... On va dire qu'il il a eu un peu de mal, tu vois. Du coup, la présidentielle, pour lui, c'est un peu loin, tu vois. Bérou. Cheminade. Ouais, un peu plus... Vraiment plus loin que lui. D'où? Plus loin de la présidentielle que Cheminade. On va dire qu'il a déjà... Déjà, il fait partie de ces hommes de droite qui ont vraiment demandé qu'à se rouler au cul, pour de vrai, tu vois. Juppé. Charles Pasqua. Oh, plus que lui. Plus que Pasqua. Fillon. Un peu moins. Merde. Ah, c'est quoi Sarkozy. Quoique. Non. C'est un copain à eux. Hein. Bah, il est souvent, profondément choqué et déçu. Moi, je suis choqué. Bah, et déçu. Ben voilà. Je suis profondément copé. Nemo, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Bisous, c'est gratuit. Copé. Vous voyez, on ne recule plus. Hein, 3% de la primaire. Oh, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Une volonté pour la France. Ah bah là tu m'as assis. Une volonté pour la France. Le jour où il y en aura une déjà. La France à eux, à la rigueur, mais. Putain. En quelle année? 2017. Ah oh, merde. Une volonté pour la France. Poutou. 2017. Voilà. Non, c'est droite. Bah, Fillon. Et ouais. Ben, le problème quand tu dis 2017 et que c'est de droite, c'est que tu sais plus à qui te fier. Même tu dis que c'est de gauche. Bah, donc, si, c'est compliqué. À part Mélenchon. C'est ça, voilà. À part Mélenchon et Poutou. Ouais. Bah, c'est ça. Et là, si, la communiste. Mais comment dire, l'enfer n'a pas de bonnes intentions. Il y a un peu de gauche, à un moment. Eh oh, il fait croire, il fait croire. Qui ça? Comment qu'il fait croire? Ah, bon. Ah, Benoît Hamon. Mais pourquoi il est au centre? Il est candidat, Hamon, c'est sérieux? Ouais. Ah merde. Putain, mais je croyais que c'était un private joke, moi. Oh les cons. C'était les jeunes de gauche qui se faisaient des gags. Le courage de la vérité. Ouh, ça, 2017. Ça, c'est Fillon. De droite, ça. C'est ça. Il y a que Fillon qui peut tenir ça. C'était son ancien slogan. Oui, ah oui, c'est vrai. Et c'est à peu près le seul dans le contenu. Le courage de la vérité. Va avec le mariage. Mais non, mais il a changé depuis. Il a changé parce que. Il a changé de costume. Mais c'est abusé de sa part. Il a changé de slogan parce que le courage de la vérité, mais qu'il a des casseroles au cul. Il mentait. Surtout que son secrétaire, c'était Cahuzac. Il y a des interviews justement où il tient ce propos-là. Et quand tu dis maintenant qu'il avait plein d'emplois fictifs pour ses enfants, sa femme et compagnie, tu fais d'accord. C'était vraiment un gros. Non, mais c'est bon, il a rendu les costumes. Oui. Mais rendez les bagnoles. Ah non, c'est rendez les 200 000 euros. C'est bon, j'ai rendu les costumes. Ok, ça va. Bon, ça va. Et ma femme, hein, tout ça, ma et femme. Ma femme. Moi, elle me fait peur, sa femme. Le goût de la c'est France. C'est Colombo, le mec. Attention, le dernier pour la France, le goût de la France. Oh, le goût de la France. Ça, c'est du droit, sûrement. Chez nous, elle a goût de canard. Hein le goût, G-O-U. Hein? Le gars. Le gars, le goût? Philippe de Villiers? Oui. Personne n'a compris qu'en fait, c'était pas du riz. Bah non. Tu nous as perdu en fait. Le goût, mais le goût, mais. Ah. Gandalf 81, ouh, 2017, 2022. Je me présenterai. Ouais. Et avec moi, le podcast, ils auront de l'argent. Donc ceci était une prime. Mais on n'en a pas demandé. Hein. Moi, je voterai pour toi. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini parce et qu'il m'a. On serait bien dans la merde quand même. Ouais, mais, ouais, mais au moins on rigolerait. Voilà. Voilà. Au moins on pourra dire j'ai pris un apéro avec le président. Regarde. C'est marqué dans les annales de. Ah, c'est sûr qu'avec moi les annales. Et puis le président il va faire non, mais moi je les connais pas ceux-là. C'est les cons. Rangez-moi ça. Moi, c'est sûr qu'ils paieront pas en costume, en voiture, en pognon. Par contre, t'as gosé ce qui se fait en cul. Et les gens qui sont sous mister. Alors là, par contre, c'est. Il va arroser tout le monde. Je suis sous Mister et Sodomie, là, par contre, c'est sûr que là, il y aurait une affaire. Les emplois fictifs. Hein. Et là, vraiment mal beaucoup d'emplois fictifs. Déblouré de Kurosawa et c'est bon. C'est bon. Comment relever l'industrie? Ben, faites on fabriquer va les préservatifs. Kurosawa. Partout. Alors là, c'est pareil, comme ils sont en anglais, je ne vous les fais pas tous chercher. au bout. Sauf bon, alors, le Yes We Can. Déjà le premier, le premier, le premier, le premier était très drôle. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est a chicken in every pot, a car in every garage. Comment tu veux qu'on trouve ça, quoi? Non, mais c'est Nixon, pas possible. C'est Richard Nixon. Après, c'est le président Hoover en 1928. Ah oh, ouais. Heureusement que tu nous l'as dit, hein. Ouais, mais c'est bien son style, hein. C'est ça. I like Ike. Hein? Avec Tina Turner. C'est ça, Eisenhower, 1952. Tina Turner. Simply the best. Avec ses barres. Et 4 ans plus tard, il avait fait I still like Ike. Les types, c'était fiché. Ah, c'est le prédécesseur de la génération Mitterrand. C'est le roi de la tout satisfaite. C'est ça. Alors, c'est très drôle aussi. A safer world and a more hopeful America. 2004. Clinton Non, c'était pas son credo, la sécurité. L'autre, Bush. C'est ça. C'est ça. Il n'y a qu'un connard pour comme ça, pour qu'on ait la sécurité sur un continent où personne ne viendra te chercher. C'est ça. J'en ai marre de la politique. C'est ça, la prochaine question. Je vous l'ai déjà dit, non? C'est pour ça que j'ai mis les meilleurs, tu vois. Là, j'ai mis vraiment le condensé, je lui dis, c'est les plus beaux tocards, tu vois, ceux-là, tu vois. J'ai tant qu'à y aller, on y va. Et là, pareil. Trouve-moi un qui vaut le coup. Celui-là est très drôle aussi, c'est le dernier. Not just peanut. Kennedy. Non. Non, Carter. Oui, Jimmy Carter. Ah, non, mais c'est à lui que je pensais. Pas juste des cacahuètes. Ouais, il vendait des cacahuètes. C'est ça, c'était. Du génie, voilà. Ah, c'est oui, un mec qui vendait des cacahuètes, Carter. Carter, hein. Ouais. Il était vendeur à cacahuètes. C'est bon ça. Et Gérard Chivarni, les enfants. Qui l'avait oublié? T'imagines, aujourd'hui, ils nous vendent que de la merde. S'il fallait qu'ils retournent à leur bordel d'origine, voilà. Ils seraient éboueurs. Non, c'était mon. Sans vouloir faire offense aux éboueurs. T'imagines? Qui ne mérite pas ça? Putain, je suis chaud. Allez, on attaque le deuxième épisode, là. C'est quoi le prochain sujet? À l'époque de ma grand-mère, le mot éboueur, ça n'existait pas. On disait les boueux. Oui, les rippers. Les boueux, quoi. Ah, ben, les et quand t'es petit, c'est pas que j'aurai tué. Ça, c'est pour voir que c'est un petit. Si, ça fait un peu les mecs, il a de la boue plein la gueule, ouais. Quoi. Ouais, tu sais que les enfants, on arrive à voir. Fait ce que les autres veulent pas faire. Tu sais que les enfants, on arrive à voir s'ils sont intelligents avec ça. Ça s'appelle comment les gens qui viennent chercher les poubelles? Les poubelleurs. Les poubelliers, moi, j'avais. Les poubelleurs. Les poubelliers, ouais. Bah, donc voilà, merci pour ce petit. Oui, enfin merci. Donc vous pouvez choisir. C'est bien, merci, ma tension est montée à 16,8. C'est ça. T'inquiète, ça va redescendre. Donc vous pourrez choisir pour qui voudra probablement vous sodomiser. Moi, je choisis. Pendant 5 ans. Carter. Carter. Je choisis Carter. Parce que les cacahuètes. Voilà. Carter, le. Non, le mec qui vendait des cacahuètes. Dan Carter, celui qui conduit bourré au Racing. Ah ouais. Bah du coup, merci à vous pour notre écoute et de nous avoir suivis pendant... Ouais, merci. Pendant tout ce temps. Je crois que c'est l'un de nos épisodes les plus longs. Vous pouvez raccrocher votre téléphone. Oui. Parce que là, c'est la musique. Oui, 1h47, ouais. Désolé. Désolé. Et il y a au moins 3 minutes. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Non, mais... Il y a qu'à souhaiter que pour eux, ce soit aussi comme ça. Il reste 2 épisodes à faire encore. Merci aux gens qui nous ont suivis en live aussi. Qui nous ont supportés. Manifestez-vous, les gens en live. Clignez des yeux, vite. Vous avez le droit de dire que je suis con. N'hésitez pas à participer sur le chat. C'est ça. Et du coup, on va passer à la dernière partie. On a le chat qui s'affiche directement, donc on voit vos messages en live, c'est extraordinaire. C'est vraiment super de voir à quel point vous êtes nombreuses et nombreux. Tous ces hashtags, tu sais, ça. La vache. Mon téléphone vibre tellement qu'il est parti chez moi. Président, quoi, c'est sûr, quoi. Enculé, enculé. Moi, j'enculerai les Français plus fort, poulet. Plus haut. Et du coup, on va passer à la dernière partie qui est la musique. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Et du coup, bah, c'est un petit truc qui va bientôt sortir, qui s'appelle Rodeo Bagdad. Non. Non, qui s'appelle Tes Idées. Donc, c'est le premier single qui est sorti du nouveau CD de Rodeo Bagdad. J'en ai écouté le single et. Il est pas mal. Ouais. Donc, du coup, on se termine sur Tes Idées. C'est fini. Tiens, ils sont pas là. Trop les mangas. Non, mais c'est un combo. Hein. Donc du coup, on se dit au mois prochain, normalement. Ouais. Si c'est pas passé la guerre civile. Ouais, on saura ça, le mois prochain qui est président de la République française. Ouais. Donc, on fera une émission à titre posthume. Ça sera déjà enregistré. Oui, il faudrait faire ça en fait. Tout monter et poster après, parce que de toute façon... Tu me laisses le temps de faire mon testament quand même? Ouais. Merci. Quand te beau. Bon, du coup, bah, on se dit à la prochaine. Puis bah, on se finit avec deux. Ouais, voilà. On se finit. On va se finir. On va se finir avec Attache-moi. On va se finir. On se termine sur tes idées et voilà. Salut, ciao, ciao. Bon, bah, du coup, salut. Putain de champion.